Pop culture, pop culture, pop culture. Allô? Allô? Allô? Pop culture. Pop culture. Ok, let's go. Caca boudin. Mort de couille. Name's Bond. C'est parce qu'il pleut. C'est mort. James. Aware. On a tous à l'intérieur de soi-même l'esprit, on sait pas un peu spirit. Pop culture. Quelque chose de... Invincible. Parce que je l'aime, ce gars-là, je l'aime, mais c'est un salaud, qu'est-ce que vous voulez? On Earth, including l'eau, le poisson, même E.T. Je suis colère, les enfants, je suis colère, je suis violence parce que je suis trahison. Et si nous cherchions un autre chemin que la violence? Cache-toi, tu brûles! Papa culture. Papa culture. Papa culture. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Virginie, bonsoir Bruno, pour ceux qui étaient déjà sur 48 FM. Il y a quelques temps, vous avez vu qu'on est arrivé un petit peu à l'avance et on en a profité pour dire ce qu'on pensait. Nos amis des émissions conceptuelles sur les musiques qu'on n'aime pas. Au revoir Laurent. Voilà, c'est l'heure de Pop Culture sur 48 FM. Enfin, votre dose hebdomadaire de choses qui font rire, ou pas, d'ailleurs. Voilà, après... Les jeunes blancs bec candides qui racontent n'importe quoi, les vieux cons qui racontent n'importe quoi. Exactement, c'est nous. Ah oui, ah voilà. Oh, on me dépouille de la veste que j'avais volée sans le vouloir. Voilà. Hops. Sinon, Laurent, quand tu veux. Pop Culture est donc une radio associative. 48 FM est donc une radio associative avec des gens qui rentrent, qui sortent. Voilà. Une radio qui vit. Une radio qui vit. Où l'on mange. Où l'on mange, où l'on boit, où on fait la fête. Et on fait même des émissions parfois, comme ce soir. Exactement, avec plein de choses à vous dire, puisque vous vous souvenez, lors de notre dernier épisode, je vais le faire un peu à la Koh-Lanta. Petit rappel des épisodes précédents. Lors des derniers épisodes, l'équipe des Rouges avait traîtreusement laissé de côté au moins deux bandes dessinées qu'ils n'avaient pas critiquées. Vont-ils pouvoir profiter de cette immunité cette semaine? Bien, si vous tenez le coup pendant 2 heures, vous le saurez peut-être. Parce qu'on est aussi capable de ne pas arriver à les mettre non plus cette semaine. Je pense qu'on va y arriver pour la simple et bonne raison que cette semaine, l'émission va être une spéciale BD. Ah oui. Et donc avec des rubriques exclusivement à base de cases, de dessins, de bulles, phylactères et autres joyeusetés iconographiques, graphiques et narratives. On aura quand même droit à quand même, je pense, à une petite salve de news. Certainement. Si on parvient à les caser, vous savez que c'est toujours un peu le défi du jour. Ah mais moi, cette semaine, elles sont essentielles, donc moi j'en caserai. Ça, c'est sûr. S'il le faut, je les caserai pendant les BD. Et donc, on rattrape les BD qu'on n'a pas pu évoquer la semaine dernière. En l'occurrence, Omnivisibilis de Mathieu Bonhomme et Lewis Trondheim. Ah oui, je l'ai toujours pas lu. Alerte aux Orcons, la 51e aventure de Spirou et Fantasio. Et la deuxième de Johan Evelman, mais première dans la série officielle. Et puis, pour rester chez Dupuis, tir groupé, Le Royaume, tome 2 de notre ami, car je suis sûr que c'est un gars très bien, c'est Benoît Feroumont. Oui, oui. Qui l'homme de Bzz. Avec les deux princesses. L'homme de Bzz, Benoît Feroumont. Cet extraordinaire petit court-métrage d'animation qui était très, très rigolo. Puis après, il a travaillé... avec Sylvain Chomet aussi. Et Sylvain Chomet, oui, il a travaillé. Il n'a pas travaillé un peu avec Pépi André? Je pense qu'il a fait des trucs produits par la partie production, donc qui est la boîte qui produit les Pépi André, je pense. Ah oui. Qui a travaillé avec eux. Ah, bah, je sais pas. Moi, je dis ça, j'avais vague souvenir. C'est un petit monde, le monde de l'animation belge. Ah, ça? On y reviendra. Ils sont quatre, en fait. Virginie faisait remarquer que souvent on faisait l'émission dans le sommaire. Et, c'est vrai. C'est vrai que bon. On va essayer de faire des sommaires de moins de 10 minutes. C'est exact. BD toujours alors, avec 42 agents intergalactiques, une spin-off de la série de science-fiction Tessa, chez Soleil, et j'en profiterai pour vous expliquer pourquoi moi finalement, je pense que Soleil, ils ont tout compris à la bande dessinée. Avec un teaser pareil, je le fais pas. Et puis alors, rattrapage de la semaine dernière, on avait dit qu'on parlerait de Black Sad, tome 4, L'Enfer, le Silence, tome très attendu de Black Sad, eh bien il est enfin sorti, donc on va vous en parler. Et puis Virginie, pour enfoncer le clou une bonne fois, tu reviendras toi aussi avec une BD. sur la couverture, il y a une espèce de oui, truc qui ressemble qu'il y a devant, sur la couverture. On en parlera tantôt, en long et en large. Bestiole. Une chose une un mammifère, quelque avec chose comme ça. Qui bave. Oui. Ah, burk. Donc voilà, c'est la BD mystère du jour. Oui. Okay. Et que nos camarades des musiques de rue se rassurent, on ne parlera pas de l'excellente série True Blood. Non, mais par contre, je vais passer un petit MC Solar alors. Il faut. Si, ouais. Si vraiment on est obligé. Avec Rabbi Jacob, si tu veux. Je ne sais pas laquelle non, c'est. Non, j'en ai qu'une, c'est Solar Pleure, elle est pas bien. Solar Pleure. Non, bah alors on va pas la passer. D'accord, alors on va pas la passer. À la place, on va passer. Qu'est-ce qu'on va passer d'ailleurs oh, mais j'avais. Oh, bah voilà. On n'avait pas dit qu'on passerait les Editors. Moi j'aime bien oui, les Editors. Hein. Mais oui. Parce qu'on en avait parlé la semaine. Enfin, je voulais. Bon, bref. Les Editors, donc, en 2009. In This Light and On This Evening. Très très chouette album avec une très très chouette pochette. Le morceau s'appelle Papillon. J'ai pas du tout branché mon ordi donc ça ne va pas fonctionner. Mais voilà, je l'allume en direct devant vos yeux. Zebobi, je sais pas s'il y a du son. Oui, il y a du son. En même temps, on va attendre la musique dès que je vais pousser sur le bouton. Et donc, on se retrouve d'ici 5 petites minutes pour vous parler de tout ça. A tout de suite, les gens. Et non, ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ça marche, pendant ça ce temps-là, pas. Veracruz. Oui. Que vous dire donc? Ouais, dites quelque bon, chose. Histoire de, ça ne marche pas. Ils ont débranché d'occuper le terrain. La, la, la, on la, peut la, dire que la, ça va être la fureur de lire. Donc il va y avoir plein d'activités, oui. Notamment chez nos camarades de Livre au Trésor. Plein d'auteurs qui vont faire des dédicaces. Au centre Stanislas André Steman. Qui vont faire aussi quelques animations ce week-end, donc plein de choses. Si oui. Vous allez sur le site de la Fureur de Lire, donc site de la communauté française, vous découvrez toutes les activités qu'il y a autour de la lecture. Comme vous meublez bien à chaque fois, je suis étonné. Vous avez entendu, ça a fait pop même que ça ne devait pas, donc ça veut dire que c'est prêt. Je suis désolé. C'est parce que enchaîner les émissions, on ne se rend pas compte, c'est compliqué. Bon, je vous expliquerai ça hors antenne. A tout de suite les gens. Oh, incroyable. Une bonne vieille voix, la Joy Division. C'est dingue hein, ça. C'était New Wave Not Dead. New Wave is Not Dead, absolument. Pourquoi est-ce que ça gueule comme ça? Parce qu'ils ont monté. Tout gueule. Mais oui, tout gueule. Ah, c'est jeune, ils respectent rien. Incroyable. Voilà, ça gueule un même peu moins. Même pas une émission qui est là depuis 8 ans. Ah non, j'exagère. On est à la 8e saison. Oui, c'est ça. Ah, t'as vérifié alors finalement. Oui. Saison 8, épisode 2, s'il vous plaît. Saison 8, épisode 2. Incroyable. Or donc, nous allons oui, parler ça, de que... bande dessinée. Comme ça n'intéresse personne finalement. Voilà, c'est vraiment les vieux cons, les deux vieux du Muppet Show. Ouais, non, mais si tu l'as regardé au début, je n'étais pas comme ça, hein. Bon, voilà. Oh, bref. C'était pire, je pense. Oui, je pense. Voilà. Donc, émission BD, vous l'aurez compris, on va déblatérer pendant 2 heures sur... Mais non, déblatérer, c'est dire du mal. Ah, on, merde. Va, on va digresser, on va divaguer, on va dire des choses. Pérorer. Mais c'est vrai qu'on divague beaucoup, mais... Mais oui. On va donc, dire du mal. Tu vas dire du mal? Non. Bon bah alors. Pas tout en tout cas. On va dire du bien pour. D'accord. Sur le royaume, tome 2, les deux princesses de Benoît Feroumont. Alors Benoît Feroumont, c'est un auteur belge. Il est né quelque part en province de Liège, je sais pas où, plutôt à la campagne, je crois. Et il a fait ses études à Saint-Luc. Et puis il est allé faire de l'animation à la Cambre. Et si on le connaît dans le petit monde culturel belge, c'est effectivement, comme tu disais Xavier, pour ses talents de réalisateur d'animation. En l'occurrence, il a fait quelques courts-métrages qui sont difficilement visibles, enfin à mon avis, ils doivent être parfaitement visibles sur des sites de streaming et autres. Totalement illégaux, évidemment. Mais comme souvent les courts-métrages, quand ils ne finissent pas immortalisés sur des compilations de festivals ou autres, ils sont difficilement trouvables. Et il est surtout connu, Benoît Feroumont, pour, comme tu disais, Bzz, qui est un petit chef-d'œuvre d'humour noir, où une espèce de grand bonhomme devient complètement fou à cause d'une mouche. Et même plusieurs mouches, si je me souviens bien, il va faire un véritable génocide avec sa tapette et autres instruments de mort. Et puis Benoît Feroumont, comme beaucoup de talents dans le cinéma d'animation, il a dû un peu s'exporter pour vivre de son art. Et il a travaillé sur les triplettes de Belleville. Je pense qu'il était directeur de l'animation, quelque chose comme ça. En tout cas, il a supervisé certains segments du point de vue d'animation. Et il a également travaillé sur cette grosse production européenne qui était Brendan et les secrets de Kells, sur lequel il a beaucoup travaillé aussi. Qui était magnifique. Et d'ailleurs, le film suivant, The Song of the Sea, est en production, ça y est, c'est signé, ils ont un budget. Mais ce sera sans Benoît Feroumont, oui, qui essaye depuis de monter un projet perso. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de la matière et du potentiel, ne serait-ce que par la virtuosité et le savoir-faire technique qu'il détient. J'en veux pour preuve cet excellentissime court-métrage, c'est sa dernière production en date, « J'y vous veux Volti ». Excellent. « J'y vous veux Volti ». Donc, je vous vois volontiers en voix longue, qui est une espèce de manière très élégante de dire je vous aime. Et c'est un court-métrage en image de sa thèse qui, franchement, techniquement, n'a rien envie à des grosses productions genre DreamWorks. Je crois qu'on peut le dire. Soyons un peu chauvins. Non, clairement. C'est vraiment très, très impressionnant. Au niveau de la qualité, c'est vraiment impressionnant. Et en plus, il y a une très chouette idée, un jeu très intéressant entre le personnage et les sous-titres qui prennent vie. Et ce court-métrage est une belle carte de visite. On entend des sons, là. Oui. Des petits oiseaux. Les... Ah, tu vous veux Volti ? Mais oui. Ce court-métrage est vraiment une très très belle carte de visite, à la fois comme animateur, mais lui a donné l'idée de cet univers du royaume qu'il a créé en bande dessinée. Le royaume, c'est donc un royaume voisin de l'univers qui est dépeint dans ce court-métrage, J'y vous veux Volti. Peut-être juste dire un truc, parce qu'on va pas faire toute l'émission sur J'y vous veux Volti, évidemment, mais si vous avez envie de le voir, et franchement ça vaut la peine, c'est très simple, parce qu'il est visible tout à fait librement et gratuitement sur le web. Donc vous tapez J'y vous veux Volti. Ah, c'est beau. Je pense qu'il y a même un site officiel, mais je ne sais pas si le court-métrage est visible en entier. Et si, absolument, il est visible en entier. Et vous pouvez simplement, si c'est un peu compliqué, www.benoîtferroumont, bon, vous écrivez Feroumont, bien entendu, .com, et voilà, vous voyez donc le lien vers le court-métrage. Il est vraiment très très bien, donc n'hésitez pas. Voilà, désolé, je te coupe un petit peu, mais... Pas de souci. Et donc, c'est suite à l'invitation, je pense notamment de Monsieur Nifle, éditeur et surtout maintenant rédacteur en chef du journal du Spirou, qu'il s'y est mis à la bande dessinée. Et ça lui réussit plutôt bien. Et je pense qu'il avait vraiment besoin de cet espace de liberté qu'est la bande dessinée. C'est assez paradoxal. Parce que la bande dessinée... On le sait, en tout cas la bande dessinée franco-belge, c'est un petit peu un sacerdoce. C'est un dessinateur seul face à sa planche, qui peut-être de temps en temps voit un peu le monde extérieur et a des contacts avec son scénariste. Mais c'est vraiment un travail monacal, où on doit produire des planches, forcément pour faire un album, mais à un rythme de fourmi, parce qu'il y a le crayonné, puis il y a l'ancrage, et on sait bien que la BD franco-belge, dans le meilleur des cas, c'est quand même un travail perfectionniste au possible, donc c'est vraiment un travail solitaire, minutieux, pesant, et paradoxalement pour Benoît Feroumont, il le dit volontiers, c'est une récréation, c'est un espace total de liberté par rapport au cinéma, où forcément il fait un peu son petit cinéma de papier hors BD, hein, il fait ce qu'il veut, il n'y a pas de contrat de budget, et ce genre de considération liée à l'industrie du cinéma. Et puis surtout, il n'y a pas cette lourdeur d'une production, surtout dans le monde de l'animation, où ce sont des grosses équipes, il y a une inertie incroyable, pour avoir à aboutir à un travail, il faut des années et des années, alors que le Royaume, lui, il travaille quelques mois, et hop, l'album est fait, et là, je pense qu'il est quasiment en flux tendu. Le deuxième va sortir. Je crois qu'il a terminé le troisième, qui sortira l'année prochaine. Donc, il a vraiment un rythme de croisière assez, assez impressionnant. Et donc, il s'amuse comme un petit fou. Et ça se sent, et c'est communicatif. Et c'est probablement une des plus grandes qualités de cet album. On sent vraiment le plaisir du dessinateur qui se fait également scénariste, pour le coup. Et c'est vraiment très, très plaisant. Alors... Pour en arriver plus concrètement à la BD, Le Royaume, c'est donc un univers moyenâgeux, mais on est plutôt dans une espèce de moyenâge de pacotille, et à le roi, sa femme à cariâtre, ses deux fils qui sont des jumeaux, qui sont très très bêtes, et puis il y a la princesse qui est une blonde, un petit peu perfide, et puis il y a Anne qui tient une auberge, mais qui avant était bonne du roi, un peu trop proche du roi, donc du coup, voilà, on l'a un petit peu mise à l'écart. D'accord. Et il y a le forgeron, qui est amoureux de l'aubergiste et qui essaye de conclure, mais comment dire, il est un peu lourdingue, ça marche pas. Et puis voilà, il est un peu brut de décoffrage. Et puis il y a les petits oiseaux, donc des petits oiseaux jaunes très très stylisés, qui n'arrêtent pas de commenter l'action, qui parlent, et d'ailleurs tout le monde a l'air de les comprendre, et qui n'arrêtent pas de se moquer de tout le monde et de balancer des ragots et des rumeurs. Donc c'est une espèce de cœur antique version feu roumain. C'est très très rigolo. Et puis donc voilà, tout ce petit monde vit de sympathiques aventures, et en l'occurrence avec les deux princesses. Comme le titre l'indique, il va y avoir une révélation, c'est que leur roi, ça prend trop rien parce qu'on le voit dès les premières planches, le roi cache dans ses geôles son frère, qui était le roi, et qui a été destitué, emprisonné, on croit qu'il est parti, qu'il s'est exilé, et non, il est enfermé par le roi, pour des raisons semble-t-il injustes. Et voilà, et il est très triste en plus, c'est ce frère caché, parce qu'il avait une fille qui était la princesse et qui n'a plus vu forcément depuis des années et des années. Ah, et forcément, comme dans toute bonne histoire à base de cap d'épée et autres joyeusetés, il va vouloir se venger. Ah bah, s'échapper, oui, évidemment, mais naturellement. On a droit d'ailleurs même à un flashback en noir et blanc pour nous dépeindre les affres du royaume. Excellent. D'avant. Le passé du royaume. Oui. Et donc, ce qui est vraiment très très chouette, c'est que on est face à une BD qui se veut clairement une BD familiale, une BD tout public. On est dans le 50 planches couleur, cartonné, format standard. Mais Ferroumont a l'intelligence et la qualité, le talent de, je pense, de jouer sur plusieurs tableaux sans flouer personne. Je pense que les jeunes lecteurs auront droit à une histoire d'aventure avec des princesses, des chevaliers, des retournements de situation, mais dans une version presque parodique, hein, où il y a beaucoup d'humour. On est dans quelque chose quand même de très très léger. Et puis les lecteurs plus âgés comme nous, ils pourront apprécier les allusions, l'ironie, les sous-entendus, et puis des petits plaisirs comme des expressions en wallon ou des belgicismes. Il aime bien le wallon, bien tapé, hein, Benoît Ferroumont. Avec des crolls. À un moment, on parle de crolls, par exemple. Et ça ajoute un côté savoureux, un côté authentique. C'est pas juste un petit gimmick. Il y a ce côté. Ça donne un ancrage au truc qui nous parle forcément, puisque c'est un vocabulaire qu'on comprend. J'imagine que pour les lecteurs français, ça doit avoir un côté peut-être un peu exotique. Une espèce de patois, peut-être qu'ils imaginent imaginaire. Oui, c'est ça. Et on va lui poser la question, mais en fait, comment avez-vous inventé ce langage? Écoutez, chez nous, à Liège. Et donc, ça reste une BD très très agréable à lire, très très sympathique. Avec ce petit bémol peut-être que Benoît Ferroumont, scénariste, n'a pas le talent de Fabien Wellman, par exemple, avec qui il avait travaillé pour Wonderton, avec qui il travaille pour le cinéma d'ailleurs, puisqu'il a coécrit un scénario, Wellman, avec Ferroumont, pour le prochain projet de long métrage de Ferroumont, qui ne parvient pas à financer, en tout cas qui se montre très très lentement, très très difficilement. Là, ils sont dans une phase de... le scénario est bouclé, ils sont en train de faire des dessins, de monter des dossiers préparatoires pour trouver des producteurs. Et ça va être, une fois de plus, une histoire ancrée dans un peu dans la belgitude. Ça devait s'appeler Macral, donc sorcière, mais finalement ça va s'appeler Majorette. Et ça va nous compter un affrontement dans un village qu'on imagine profondément belge entre des majorettes et des sorcières. D'accord. Ça peut être bien, hein. Oui. Il y a déjà des dessins préparatoires qui circulent sur le net par-ci, par-là. Un coup de lac-main. Ça va être bizarre, hein. Mais ça peut être bien. Oui, sans doute. Et donc, en attendant, histoire de s'occuper constructivement, Ferroumont fait de la BD pour notre plus grand bonheur. Mais donc, comme je vous le disais, pour revenir à Fabien Wellman, je trouve que Ferroumont peut-être a... Il y a une force, il y a une énergie, il y a une fantaisie, il y a un dynamisme qui emporte l'adhésion, vraiment. J'ai beaucoup de sympathie et d'admiration pour cette BD. Mais je dois bien reconnaître que le scénario, l'histoire est peut-être... pas le scénario, la mécanique fonctionne très très bien, mais l'histoire est peut-être un petit peu un peu fort légère, un peu linéaire et finalement se résume à un argument assez court, mais et on n'est pas dans une richesse et une virtuosité comme Velman, par exemple, peut l'avoir. Velman qui, justement, capitalise sur un certain classicisme, une certaine école franco-belge pour essayer d'oxygéner, de renouveler ça. Il le fait, je pense, très très bien. Donc ici, peut-être, voilà, cet univers, cette fantaisie, cette fougue de Ferroumont, je pense, gagnerait à être canalisée et à être étoffée par un vrai travail d'un vrai scénariste, si j'ose dire. Mais quoi qu'il en soit, moi, j'ai vraiment adoré lire cette BD, surtout que, et je terminerai par là parce que c'est je pense, le tout ou gros point positif de cette BD, c'est que le dessin est vraiment terrible. C'est clairement le dessin d'un mec qui vient du cartoon, du monde de l'animation. C'est un dessin qui est limpide, qui est très sexy, très accrocheur, qu'on sent influencé par la BD franco-belge, mais aussi par le monde américain de l'animation. Et c'est très expressif. Ferroumont raconte que quand il crée ses histoires, il s'enregistre en train de faire les dialogues, il fait les scénettes à ses gosses et tout, et donc il y a vraiment une vraie démarche de mise en scène et d'interprétation, comme un animateur le fait pour ses personnages, hein, où on sait bien, traditionnellement, les animateurs parfois se regardent même dans un miroir, ou se prennent en photo pour capter des expressions. Il y a vraiment cette démarche expressive qui est vraiment impressionnante, les expressions des personnages, en une fraction de seconde, il parvient à capter l'expression juste, l'émotion juste, et forcément souvent c'est dans les extrêmes, dans l'outrance, puisqu'on est dans une comédie, et c'est très très bien vu, et donc le graphisme est vraiment, c'est à la fois c'est très... Et ça semble facile aussi, je trouve, c'est un graphisme qui semble couler de source, aller de lui-même, tu ne te poses jamais la question du travail ou quoi, pourtant il doit vraisemblablement y avoir du travail, parce que c'est très soigné, mais en même temps... À aucun moment on ne se pose la question. Hein. Et qui est très intelligent, parce que je pense qu'il est très expressif, mais très économe. Quand on voit ses décors, par exemple... Encore un réflexe de l'animateur, évidemment. Ils ne sont pas très fouillés, mais contrairement à un sillage, puisqu'on en parlait la semaine passée, c'est jamais, je pense, au détriment du récit. C'est au contraire, je pense, un gage d'efficacité. C'est pas de la paresse, c'est simplement l'utilisation rationnelle des moyens à sa disposition. Et, le réflexe de l'animateur. Faire un truc comme si on devait le dessiner 50 000 fois la seconde d'après, et il faut pouvoir le refaire. Et c'est bien, ça donne un dessin très lisible. Très lisible, et puis, comme je disais, très expressif, et puis surtout, mise en scène de manière très efficace, puisque là aussi, on sent le métier d'animateur dans les cadrages. On a droit à beaucoup de gros plans, de plongées, de contre-plongées. Il y a vraiment une très grande variation des points de vue... Et c'est vraiment très très efficace, et on sent qu'il a du métier, même s'il est un jeune auteur de BD. Je pense que ça doit être son quatrième album. Mais il n'est pas vieux, Benoît Ferroumont. Il a quoi? Il a entre 30 et 40 ans. Il n'est pas très vieux. Ouais. Mais c'est on ne peut plus prometteur, surtout que Benoît Ferroumont en plus a des envies d'animation aussi pour le Royaume. Il a envie de. Peut-être d'en faire un long métrage, et il expliquait, je l'ai croisé lors d'une séance de dédicace, qu'il avait une idée de mettre le DVD de Jivu Vevolti en bonus de la BD, et de créer une histoire, peut-être pas sur l'échelle d'un album, mais peut-être une histoire courte, qui répondrait au film, mais pour des raisons stratégiques de la part de Dupuis, ça ne s'est pas fait, on lui a simplement rétorqué que il fallait que le DVD soit simplement un bonus et pas quelque chose de nécessaire à la compréhension de l'objet principal qui était vendu, à savoir la bande dessinée. Ben oui, tout le monde sait que... Et du coup, il dit que ça lui a un peu coupé les ailes, et il était plein d'aspirations, et cette contrainte-là l'a complètement bloqué. Donc, mais il ne se désespère pas de donner une nouvelle vie d'abord à Jivu Vevolti par la Témérdire du Royaume, qui finalement est une espèce de spin-off. Et donc voilà, on lui souhaite... que ce soit dans le domaine de l'animation, de la BD, tout le bonheur du monde à ce Benoît Ferroumont, dont on peut avoir régulièrement des nouvelles sur son blog d'ailleurs, qui est très très chouette aussi. Absolument. Bon, en tout cas, ça fait envie. J'avais lu le premier tome, pas été hyper convaincu, mais ça donne envie de lire la suite. Entendons-nous bien, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est simplement une BD familiale, très sympathique, très bien faite, qui prend pas les gens pour des cons, et puis en plus qui est techniquement très très très solide. Donc, ça part. Respect. Ben oui, tout à fait respect. Bien, bien. Tu es essoufflé, tu veux faire une petite pause, mon Bruno? Oh, écoute. Oui, moi j'ai d'ailleurs, puisque la BD s'appelle Le Royaume, que nous sommes un royaume pour l'instant encore, oui. Tant que ça dure. Moi j'aimerais bien dédicacer une petite chanson à Bart. Ah oui, Bart, certes, oui. Ah, si tu nous écoutes. Oui, alors dis-moi laquelle, parce que c'est... Françoise Hardy. Ah oui. Ce qui s'intitule Les Pas. Donc Bart, si tu nous écoutes, cette chanson est pour toi, prends-en de la craie. Oui, ça a l'air facile comme ça, vous ne vous rendez pas. Donc, Bart, si tu nous écoutes bientôt, voilà. J'ai entendu une chanson spéciale pour toi. Ça y est, hop, voilà Bart, t'as entendu? Eh bien tu me répéteras, parce que moi j'ai pas été très attentif, je dois bien vous l'avouer. Mais j'aime bien Françoise Hardy, hein. Ne me faites pas dire ce c'est que c'est son dernier album, il est très bien. Moi. Oui, et la pochette est très très bien. Une très très jolie photo de Françoise Hardy, je savais par qui elle était prise, et puis... Là, ça ne me revient pas, mais si j'y... c'est très intéressant ce que je dis finalement. Donc, n'est-ce pas ? On va enchaîner sur la BD. Alors, vous voulez quoi ? Vous voulez Black Sad ou vous voulez les 42 agents ? Comme tu le sens, vous avez... Ah bah écoute, moi, c'est égal. On va parler de Black Sad parce que c'est le premier qui vient. Black Sad, tome 4. Alors, Black Sad, peut-être qu'on n'a pas tous entendu parler Black Sad. Comment résumer Black Sad ? C'est une BD animalière, mais réaliste. Sauf que l'idée, c'est d'avoir un trait réaliste. Je m'entends trop, en fait, ça me saoule. Il faut que je diminue. L'idée est donc d'avoir un trait qui est réaliste, un dessin qui est naturaliste, sauf que les personnages sont dessinés avec des têtes d'animaux, et de manière relativement stylisée. Mais c'est pas juste la tête, hein, c'est aussi le corps qui est un peu poilu. Tout d'une ça. Certaine manière, le corps, mais la morphologie globale est quand même humaine, celle ouais. d'un être humain. Ils ont les, ils oui, ont pas il de sabots. Ils marchent debout, ils marchent pas. Oui, c'est ça. Ils marchent tous, ils marchent tous debout. Ils ont tous des vraies mains avec cinq doigts et tout et ça. Ils ont même des attributs pour les femmes. Ils ont des attributs très. Tout à fait féminin. Voilà. Parfaitement on féminin. Totalement reconnaissable. Black Sad, d'ailleurs, une BD qui joue un peu sur déviante. Le sexy, un peu déviante. Parce que le parti pris de départ est de situer l'intrigue dans des États-Unis imaginaires, pas forcément très contemporains, mais pas forcément bien éloignés de nous. Si on devait dater ça, ça serait quelque part au tournant des années 50-60, ouais. par là. Les Golden 60s, époque friande de péripéties et féconde en romans, bande dessinée, comics en tout cas aux États-Unis, films, etc. Période assez créative, donc c'est assez logique. Et Âge d'or du roman noir, on parlait de Jim roman Thompson noir. La semaine dernière. Ben oui, et âge d'or du roman noir et du roman policier et... quelque part crépuscule de l'âge d'or du film noir, hein, puisque bon, le film noir c'était un peu l'entre-deux-guerres, la Deuxième Guerre mondiale, et bah là on est grosso modo on est dans cette série-là, on est dans ces codes-là. Et donc ici on est dans des intrigues qui sont carrément policières, avec des connotations politiques. Jusqu'ici on avait eu droit à 3 tomes parus de Black Sad. Un premier tome qui s'appelait « Quelque part entre les ombres », avec une histoire fort fort classique de lutte contre la corruption et contre la mafia. Vraiment, à la limite, c'est à la fois un très bon exemple de ce que veut faire Black Sad, parce que c'est une réappropriation des codes du genre, en l'occurrence policier, et à la fois c'est un album qui n'est pas original du tout, puisque les codes du genre on se les a déjà réappropriés beaucoup, et en bande dessinée et en roman et en cinéma, donc on va dire que c'est pas forcément le meilleur. Par contre, ce qui manquait en termes d'originalité a été développé par les deux auteurs, j'y reviendrai tout à l'heure, dans les deux albums suivants. Donc Quelque part entre les ombres, c'était 2000. En 2003, on a eu un deuxième album, Arctic Nation, qui était grosso modo braqué sur la problématique du racisme, avec des animaux à fourrure blanche, des animaux à fourrure noire. Black Sad, qui est un chat noir, mais dont le museau est blanc, étant forcément quelque part entre les deux. Et sans qu'on puisse vraiment... anatomiquement, on ne peut pas toujours faire vraiment le rapport entre les animaux noirs et la morphologie des hommes et femmes noirs. petites confusions comme ça. Et c'était très intéressant parce que ça parlait d'extrémisme, et ça parlait de xénophobie et de racisme de manière fort fort intelligente, avec une intrigue qui était là beaucoup plus complexe, beaucoup plus travaillée, beaucoup plus contemporaine. Âme Rouge en 2005, troisième volume, là mettait en scène plutôt l'ultranationalisme. Donc, on est toujours un peu dans la même veine, quelque part. Et on trouvait notamment dans Âme Rouge le thème du nucléaire et puis de l'opposition, de la guerre froide en fait, une espèce de transposition de la guerre froide dans l'univers fictif de Black Sad. On en était là. Et tout ce qu'on pouvait dire de Black Sad, c'est que ces deux auteurs, donc Juan Diaz Canales, scénariste de bande dessinée, qui est né la même année que moi, né en 1972, je viens de m'en rendre compte à l'instant, scénariste donc espagnol de bande dessinée, qui avait au détour de festival de BD rencontré Juanjo Guarnido, espagnol également, mais vivant à Paris. Puis ils ont décidé de lancer la série ensemble. Il faut savoir que Guarnido, c'est un dessinateur de bande dessinée qui est né en Espagne, à Grenade, qui a été recruté par Disney et qui a travaillé sur un tas de projets de Disney. J'avais imprimé ça, mais ça fait plein de bruit et puis je ne les retrouve jamais. Donc voilà, mais chez Disney, il a fait notamment des décors dans Le Bossu de Notre-Dame. Il a travaillé des panthères en entier, la panthère Sabor. Dans Tarzan, le dessin animé Tarzan de Walt Disney, c'est lui. Il a travaillé sur l'Atlantide, il a travaillé... Donc, il était vraiment au cœur des équipes créatives de Disney pendant les années 90 et jusqu'au début 2000. Et puis, il a décidé de se lancer dans la bande dessinée. Et là aussi, tu le disais, Bruno, tout à l'heure, les gens qui ont fait de l'animation et qui se lancent dans la BD, ça se voit parce qu'ils ont une espèce de facilité de trait, de virtuosité instantanée comme ça, qui semble facile, qui est faite avec une économie de moyens, qui est tout à fait typique. Et ce qui était tout à fait caractéristique, et qu'il est toujours, de Black Sad, qui a fait vraiment sensation au moment du début de la série, c'est cette virtuosité graphique. C'est le fait que les dessins étaient absolument incroyables. C'était quelque chose qu'on n'avait pas souvent vu en bande dessinée, et tout le monde s'extasiait en disant « Oh, waouh, incroyable, comme c'est beau, machin, et tout ça. » On n'est pas vraiment dans l'économie de moyens, là, pour le coup. Non, on n'est pas dans l'économie de moyens dans Black Sad, mais il y a quelque chose de l'animation aussi, dans le sens où ce qui fait la construction traditionnelle d'un personnage en bande dessinée semble facile pour des gens qui l'ont fait dans un contexte d'animation. Et l'intelligence de Guarnido, c'est de ne pas se contenter de ça. Je ne veux pas dire du mal de Benoît Ferroumont, mais on a juste ça dans Benoît Ferroumont. C'est déjà génial. Guarnido, en plus, lui, continue à travailler et remet des couches et des couches et des couches. Et c'est un génie graphique, en fait, Guarnido. Il fait des trucs qui sont absolument époustouflants, d'une technicité qui est complètement... étonnante. Il fait ses couleurs lui-même je n'ai pas regardé si dans le dernier c'était... Oui, c'est ça, il fait toujours ses couleurs lui-même, donc c'est chaque case est quasiment une œuvre d'art. Donc ça avait fait vraiment sensation sur ça, sur la qualité graphique. Alors après, effectivement, pour l'intrigue, on peut se dire que le premier, c'est vraiment du polar fort classique, pas très très intéressant donc, finalement. Personne n'aurait parlé si la BD graphiquement n'avait pas été aussi impressionnante. Exactement, ça n'a absolument pas fait sensation pour le scénario, c'est tout à fait évident. Maintenant, il y a quelque chose à travers le graphisme qui est intéressant, c'est l'univers, où cette espèce d'États-Unis, des Golden 60s américaines imaginaires, a quelque chose d'intéressant et de riche. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les trois premiers tomes, aucune référence directe aux États-Unis n'est faite, ni sur les lieux, ni sur les marques, ni sur les personnages, ni sur rien. Donc c'est vraiment une espèce d'uchronie, comme ça, un monde parallèle au nôtre. Alors, pour en arriver à ce quatrième tome, il faut dire que, quand même, depuis 2005, les fans l'avaient un peu mauvaise. Parce que ce quatrième tome, il était prévu depuis longtemps, et Guarnido et Canales avaient dit oui, on travaille dessus, mais en même temps, ils ont tous les deux mené des projets parallèles, et donc on a dû attendre 5 ans. L'éditeur aussi te fait l'avoir. Et l'éditeur l'avait mauvaise, parce que lui, forcément, avait très envie que ça sorte, et en plus, recevait des tonnes de courriers de lecteurs fâchés en disant « Mais quand est-ce que ça arrive, mon jeu ?» Donc, évidemment, ce n'était pas très simple pour lui. Et enfin, il est là, après 5 ans d'attente. Voilà. Je plante le décor un peu longuement. Mais l'idée, c'est que la première chose qu'on se dit en ouvrant ce truc, c'est bien du Black Sad. C'est évident, on est dans le même univers graphique. Guarnido n'a rien perdu de sa verve graphique, on est tout à fait dedans. Le scénario est encore un scénario fort classique de polar, avec cette fois-ci un thème qui est plus microcosmique. On n'est pas dans des grandes thématiques politiques. C'est une histoire de dealers de drogue et de rachat de maisons de disques un peu véreuses, etc. Par contre, première anomalie dans cet album, ça se passe à la Nouvelle-Orléans. Et à la vraie Nouvelle-Orléans, il y a des références directes, à la fois graphiques dans les décors et aux personnes, à l'histoire de la ville, etc. Et c'est logique, puisque en fait, là, on est plongé dans l'univers du jazz, que le berceau du jazz, bah, c'est la Nouvelle-Orléans, quoi de plus logique. Et c'était la première fois qu'ils avaient décidé d'explorer une ville réelle des États-Unis, et c'est intentionnel, c'est en liaison avec la thématique. Alors, au niveau de l'histoire, bah, de nouveau... C'est toujours la même chose avec le polar. Quelque part, il y a un aspect qui est très classique. Ce qui est intéressant, c'est dans le développement, dans les personnages et tout ça. Et là, moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont également intéressantes dans ce quatrième tome, et notamment sous la forme de personnages secondaires. Il y a beaucoup plus de personnages secondaires dans cet épisode que dans les autres. Et des personnages secondaires. Alors, on a l'espèce de petit renard, là, dont j'oublie perpétuellement le sidekick rigolo. Un peu rigolo du truc, qui n'est pas forcément la meilleure trouvaille de nos deux compères. Mais alors, on a des personnages qu'on ne rencontre pas. Par exemple, sur la couverture très intrigante, on voit Black Sad bien mal en point, en train de se noyer, vraisemblablement, dans le bayou, on ne sait pas trop quoi. Et en fait, c'est un moment absolument crucial du récit, cette attaque de Black Sad qui finit effectivement on le jette dans le port, et je ne vous gâche pas vraiment la surprise, il va s'en tirer, hein, c'est le héros, on se doute bien. C'est étonnant. Quand même. Et là, il y a l'intervention d'un personnage qui est tout à fait mystérieux, et qui est... C'est la femme à la bûche de Black Sad, tu vois. C'est aussi mystérieux que ça. C'est un personnage qui arrive, qui semble très très important dans l'intrigue, qui ne tombe pas comme un Deus Ex Machina qui va juste résoudre le truc parce qu'on ne savait pas comment s'en tirer. On voit bien qu'il y a quelque chose derrière, et puis ce personnage disparaît. Et là, on sent bien que ça ouvre des portes dans l'univers, où on se dit, oula, il y a des trucs qui... Ouf, ça va loin. Et donc, voilà. Alors, sinon, au niveau graphique, c'est encore plus époustouflant que d'habitude. Guarnido sait tout faire. Il sait faire de la mise en scène nerveuse dans des petites cases avec des personnages très serrés, avec de l'action et tout ce qu'on veut. Il sait faire des grandes planches. Là, je la montre à mes camarades dans le studio. Donc, c'est cette fameuse scène de la noyade dans le port où on a des cases qui sont disposées sur un fond avec un décor un peu onirique comme ça, qui est le cauchemar de Black Sad alors qu'il est en train de crever de noyade dans le port. Il y a une série de planches qui sont carrément virtuoses, qui sont d'ailleurs offertes en ex-libris avec la BD dans les premiers tirages. Je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais pour toute la première édition, je pense. Voilà, on a un ex-libris ici qui est une scène qui est assez classique dans sa mise en scène, mais en même temps ça se passe à la Nouvelle-Orléans l'après-midi, grand soleil sous les frondaisons, et donc Guarnido a passé son temps à dessiner les ombres de chaque feuille sur ses personnages. Thriller. Ce qui est une virtuosité incroyable. Alors il y a deux aspects, voilà, je suis content que tu dises ça, Bruno, parce que il y a deux manières de voir le truc. D'un côté, oui, frimeur. Non mais c'est vrai, vraiment, c'est de la frime, c'était pas indispensable. Mais en même temps, quand on voit la virtuosité graphique du reste, on se dit, mais c'est tellement logique, il va jusqu'au bout de son système, c'est normal de faire ça. Ce type ouais, mais alors, c'est dessine des moustaches. Il devrait être un odorama et avec une bande son aussi. Je suis sûr que s'il pouvait, il le ferait. Mais là, on est dans il ferait des films. On est dans le contexte de la BD. Il reste dans le contexte de la BD et il va vraiment jusqu'au bout du système, et c'est d'une virtuosité incroyable. Au-delà du côté poseur, il y a le fait que cette BD, on ne retombe pas dans les travers du premier tome, on est vraiment... Malgré le manque de portée politique, peut-être, quoique, à voir, lisez entre les lignes et vous y trouverez peut-être des choses. On est vraiment dans une intrigue, un bon polar, bien dur, bien noir, avec des personnages complètement désespérés, avec l'ambiance. Et tu parlais d'odeurs, quand on est dans cette BD, on sent presque les odeurs, ça pue la Nouvelle-Orléans, les rues, le bayou, les trucs, le porc qui sont... Le vaudou, est-ce qu'on a droit du vaudou? Ah, on a droit du vaudou, ouais, évidemment, mais oui, évidemment, des poulets écorchés, et des grosses mamas et tout ça. Oui, bien sûr, mais... Des mamas gentilles. On a droit à du vaudou gentil. Du vaudou bénéfique. Donc voilà. Tout ça pour dire, est-ce qu'il faut lire cette BD ? Si vous ne connaissez pas Black Sad, de toute façon, clairement, moi je pense que pour la BD, pour ce qui est de la BD contemporaine, il vous manque une brique importante de la BD contemporaine. Black Sad, c'est difficile d'imaginer la BD aujourd'hui sans Black Sad. Clairement. Comme tu y vas. Ah non, moi je pense vraiment que c'est une BD qui est importante. Je pense que graphiquement, c'est quelque chose qui est pas forcément novateur dans le sens où il n'invente pas un style graphique, mais il est tellement perfectionniste, il va tellement au bout sans qu'on puisse, parce que Frimeur pour la planche en ex-libris, oui, mais en même temps dit quelque chose contre cette planche. Elle est parfaite. On peut rien enlever. Oui, on aurait pu s'en passer, on aurait pu ne pas mettre des feuilles, tout ce qu'on veut. Mais elles participent à l'ambiance, elles sont dans le truc. Et s'il est capable de le faire, ben il le fait jusqu'au bout. Et c'est juste époustouflant, je pense, graphiquement. Mais je trouve que Black Sad, c'est peut-être la quatessence du classicisme. Très probablement. Avec ses qualités, ses défauts. C'est qu'on est vraiment dans une espèce d'aboutissement qui fait presque se déchirer les coutures du genre, l'aboutissement de la BD franco-belge avec un cadre très classique, une narration très classique, dans un genre lui-même très codifié qu'est le policier, avec un graphisme animalier qui finalement est presque aussi vieux que la BD franco-belge lui-même, mais poussé à une virtuosité assez incroyable. Et moi, je t'avoue que je suis un peu perplexe parce que je me dis, est-ce qu'au-delà de la maestria technique et du classicisme de l'histoire qui fait que ça se lit sans déplaisir, c'est efficace et voilà, c'est une BD qui est bien faite, voilà, est-ce que cette BD, il y a une âme ? Ah ben ça, c'est toute la question. Je pense qu'on ne tranchera pas. De toute façon, je pense que la seule manière de trancher, c'est de dire aux auditeurs de lire. Moi, tout ce que je me borne à dire, c'est je pense que c'est une BD importante parce que personne n'a fait ça. Parce que pousser, comme tu dis, le classicisme, mais peut-on encore faire du policier classique en 2010 ? Là est toute la question. Si on le fait et qu'on le fait bien, comme le font Canales et Guarnido, ben, à pousser à un certain niveau de virtuosité, ça donnera ça. Voilà. Sans vouloir dire qu'on est dans la postmodernité, je pense que le fait même d'adopter un graphisme animalier mais ultra réaliste, c'est en soi une revisitation et une déconstruction, une reconstruction du genre. Tout à fait. Mais après, moi je dis, voilà, je ne peux pas te donner tort, mais je crois que chacun y trouvera ce qu'il veut bien y trouver. Et il est effectivement... J'espère ne pas me tromper en disant que pour moi, on peut dire que c'est un peu, peut-être un peu gratuit, peut-être pas forcément fondamental par rapport à l'évolution du genre, mais je crois en tout cas qu'on ne peut pas dire que c'est une BD qui prend la pose. C'est une BD qui rentre dans les habits, qui les pousse jusqu'au bout, qui les fait peut-être un peu craquer, qui, en étant novateur, est peut-être quelque part ultra conventionnel, mais je trouve, moi, que ce n'est pas une BD qui prend la pose et une BD qui se moque ou qui se joue du genre en disant « Regardez comme je le fais bien ». Je pense qu'il y a en tout cas plus que ça. Enfin, j'espère ne pas me tromper en le disant. Après, mon opinion vaut ce qu'elle vaut, hein, mais Et voilà. Ce que je trouve très intéressant, c'est une réflexion qui m'est venue quand tu parlais du parcours chez Disney du dessinateur. Je ne sais pas du tout si c'est conscient, mais si ça l'est, en tout cas, c'est très malin. C'est cette espèce de fascination qu'on a pour voir s'allier un univers graphique qu'on connaît depuis notre plus tendre enfance et cette espèce de jubilation qu'il y a à avoir un peu le graphisme disneyien basculer du côté obscur. Tout à fait. Et ça, peut-être, c'est plutôt bien vu. Ça, c'est une idée, effectivement, c'est exprès. Enfin, je veux dire, il ne s'est pas juste dit « Ah tiens, je fais comme ça, comme je faisais à mon boulot ». Non, d'ailleurs, le premier Black Sad est sorti en 2000 et il a travaillé chez Disney jusque 2001. Donc, je pense que c'est très très conscient. Maintenant, quand il en parle en interview, Guarnido a plus tendance à parler du plaisir qu'il a justement à réfléchir à l'attribution des animaux aux personnages. Il y a une grande intelligence là-dedans, c'est pas du tout fait au hasard ou sur de simples critères esthétiques comme le ferait un Disney. Non, il y a vraiment un truc, c'est pas les chats les gentils et les chiens les méchants, non, pas du tout. Alors c'est exact qu'en général, quand on a des personnages d'alligators et de gens comme ça, souvent ils sont plutôt pas sympas, mais c'est pas une généralité. Et des chiens, il y en a des gentils, des pas gentils, et des chats, il y en a des gentils et des pas gentils. C'est vrai que les madames, c'est plus souvent des chats. Va savoir. Mais Alors, il y a une dans la Wikipédia, ils font est-ce très bien avec carnivore, herbivore et tout ça. Il y avait un petit peu dans les premiers albums, mais ça n'a c'est pas poussé très très loin. C'est pas poussé très très loin. Mais par contre, le caractère des animaux joue un rôle dans le caractère du personnage. Donc on a ici un personnage d'hippopotame qui est, bon, effectivement gros, mais c'est effectivement un espèce de caractère de cochon qui veut casser la gueule à tout le monde. Donc voilà. On a un éléphant de mer, un morse, là, avec machin, qui est effectivement une espèce de saloperie d'excité qui pique des colères à tout bout de champ. Je crois que voilà. C'est le plaisir même qu'il y a à faire de la BD animalière. C'est que ah c'est oui. L'héritière de l'univers, de la fable. Et donc forcément, il y a cette espèce de, je sais pas comment on dit, de métonymie entre les personnages et leur caractère. Oui, tout à fait. Mais là, vraiment, il y a un vrai plaisir assumé. Et encore une fois, je pense, pour moi, c'est pas gratuit. Je pense que ce n'est pas, c'est pas prendre la pause, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Voilà. Mais bon, ça, c'est détracteur aussi, hein. Donc, disons que je pense que quand c'est pas pour le plaisir de dire ouais, c'est de la BD commerciale mainstream, donc forcément il faut prendre le contre-pied et en dire du mal parce que voilà, nous on n'est pas dupes, on n'est pas vendu au grand capital. Mais faut bien reconnaître qu'il y a une unanimité critique dans les médias sur Black Sad, parce que la BD effectivement a de grandes qualités, notamment graphique. Donc c'est pas inutile, je pense, de se poser quelques questions. Ah mais tout à fait, oui. Et je m'empresse de dire que je suis assez d'accord dans l'ensemble avec les réserves que tu formules. Hein, il faut pas non plus. Je pense que des BD qui satisferaient totalement qui répondraient d'avance à toutes les critiques possibles et imaginables, je pense que ça ne doit pas exister de toute façon. La BD parfaite, elle n'existera jamais. La BD est un art imparfait par définition, je pense. Mais bon, voilà, ça nous emmènerait bien loin. Ouh là là, madame. Ah, dame. Si on s'écoutait un petit Hills. Il est bien à temps. Mais oui. Ça y est, tu as apporté le CD. Bah non, je l'ai mis dans mon ordinateur. Virtuellement, le CD est avec nous. Ça s'appelle Tomorrow Morning. En fait, Hills, ils ont fait plein d'albums, je ne me rendais pas compte. N'arrête pas. C'est facilement leur 10e album, si on compte. Ils ont sorti un espèce de best-of, plus un double CD live, je pense, ou un truc comme ça. Mais si on compte ces deux-là, je pense qu'on est quasiment à 10 albums pour Hills. Chaque fois qu'il lui arrive un malheur, il fait un album. Et comme il lui arrive beaucoup de malheurs, je pense au garçon. Oui, j'ai l'impression que ce garçon n'est pas le plus heureux des hommes, mais bon. Eh bien, ici, on a un album qui est du Hills. Un album ? Non, un album. Album de Hills. Un album de Hills. Qui est un peu plus léger, paraît-il, je crois. Qui est moins. Ah oui, on a moins envie de se tirer une balle après. Mais enfin, faut bien dire que c'est pas non plus hyper dansant. Hein. Je vous ai quand même sorti un morceau qui était un peu plus péchu. Que l'ensemble de l'album. Enfin, c'est vrai que quand même, on a un petit peu des vraies batteries et des petits chick-boom dans le machin. Mais voilà, ici, ça s'appelle Baby Loves Me. C'est donc sur le dernier album de Hills, Tomorrow Morning. C'est un peu plus électro. Et c'est presque dansant. Hein. C'est presque dansant. Il y a des petits chick-boom derrière et des poup, poup, poup, poup. Il y a deux, trois morceaux sur l'album qui sont comme ça. On en écoutera un autre tout à l'heure si vous êtes sages. BD donc, la suite. Oui, avec BD. La suite. Quelle surprise, on va parler de bande dessinée, donc. Tiens, oui. Avec un chien qui pète, donc, c'est ça ? Oui, un chien qui pète, c'est une... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça s'appelle Dougly. Dougly qui est la contraction de dog et de ugly en anglais, qui veut dire chien et moche. Super. Ce qui, lui, je trouve, s'y est très bien, effectivement. Ah oui. Puisque, imaginez un berger allemand, un setter, tout ce que vous voulez, mais vous voyez, un grand chien élancé, noble, fier, racé, fier. Et une fois que vous avez imaginé ça dans votre tête, vous êtes un coup de balai, hop. Et vous prenez le contraire. Vous prenez ici le petit bulldog français, hein. On a le chien qu'on mérite, comme dirait l'autre. Donc, c'est-à-dire un petit machin noir qui fait 30 cm au garrot, et encore, quand il se met debout, c'est-à-dire ses deux pattes arrière. Il y a des grandes oreilles en pointe. Type chauve-souris, oui. Et deux yeux globuleux, genre il restait plus sa Jean taille Gollum. À la distribution. On lui a mis la taille au-dessus. On se dit ça passera toujours, allez hop. Et avec un nez écrasé, comme ça, tu vois. Genre le bulldog, mais en plus moche. Déjà. Et plus petit. Plus petit, oui. Autant oui, dire bon, qu'il est pathétique. Oui, je l'ai dit, il fait 30 cm. Pathétique, je 30 pense cm que c'est debout. Le plus adéquat pour le définir. Mais il y a des photos à la fin. Mais à la mode. Il y a des photos à la fin du chien de... Oui, à la fin de la BD. C'est comme... Bon, moi j'en veux bien aussi. Bref. Nous n'avons rien entendu. Donc ici c'est Doug Liu, donc c'est une BD qui est issue d'un blog, comme on commence à en avoir un sacré paquet maintenant. Et l'auteur s'appelle Steve-O, donc Steve-O est graphiste, illustrateur indépendant depuis plusieurs années. Fan de Jackass, sûrement. Je ne sais pas s'il est fan de Jackass, mais il travaille plutôt dans la pub. J'ai été voir sur son site, il ne renseigne pas beaucoup ce qu'il fait, mais bon. Il a un blog qui s'appelle trop-de-la-bulle.com. Ah, dingue. Et il y a quelques petites planches de BD sur son blog. Et son personnage principal s'appelle T'inquiète Boy. Et c'est un espèce d'ado attardé qui a plutôt l'air d'aimer les jeux vidéo, mais qui veut se prendre parfois un peu pour un super-héros, mais qui est franchement loin, enfin qui est très à côté de la plaque. Genre à un moment, il est dans le métro et puis il voit un type avec un pardessus, une canne et des lunettes noires et il dit mais c'est Daredevil. C'est Daredevil. Si ça se trouve, il est en train d'écouter mes pensées. Alors il dit oui, je vais vérifier. Et alors il lui balance une canette dans la gueule parce que il est persuadé que c'est Daredevil. Évidemment, ce n'est pas Daredevil et c'est lui qui se fait un peu casser la cave. Donc c'est un peu voilà l'univers de ce que vous pouvez trouver sur son site. Et ici, c'est une BD qui est éditée aux éditions Paquet. Ça ne se voit pas dessus parce que c'est écrit Bao, mais c'est les éditions Paquet. C'est une collection sûrement Bao. Sans doute. J'avoue que j'ai oublié de regarder. Et Paquet lui a proposé, donc en allant voir sur son blog, de faire une BD sur son chien. Enfin, ici en l'occurrence sa chienne, qui est un petit bulldog français. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on voit que ce monsieur est issu du graphisme et de l'illustration, parce que son dessin est très très dessin à la mode. Très Arthur de Passe, comme ça. Le gars qui fait des petites gonzesses sexy dans Fluide Glacial. Oui, ah oui, moi j'aime bien oui, ça. Effectivement. Oui, non, je pas dit, il fait pas que ça, hein, parce qu'après on va croire que j'aime que les petites gonzesses sexy, machin, tout ça. Non, mais il fait c'est pas que ça. C'est un peu le même style, quoi. Oui. Enfin, c'est moins rond, mais. C'est pas lui qui avait fait aussi un court-métrage rigolo avec les crabes, là. Oui. C'était mais, super donc, drôle. C'est pas ça. Ce gars-là, je dis, ça ressemble à. Oui, c'est ça, oui, non, mais oui. Un dessin très stylisé, mais très. Très dessin informatique comme ça. Voilà, oui. pas très détouré avec oui, des aplats de couleurs. Oui, bon, c'est un graphiste illustrateur, on imagine qu'il travaille beaucoup sur ordi. D'ailleurs, sa femme. On voit qu'il a un Mac d'ailleurs. Oui, non, c'est sa femme qui a un Mac. Enfin, on suppose qu'ils sont mariés, puisque la BD donc, raconte la vie avec son chien, donc Doug Liu, qu'ils l'ont prénommé puisque ça lui va très bien. Doc est moche, ça lui sied comme un gore, hein, ce petit bulldog français. Et voilà, il y a rien. Donc, si vous êtes caninophobe, il faut vraiment pas lire cette BD. Et je pense que c'est une BD qui parle beaucoup, qui doit parler en tout cas beaucoup plus aux gens qui ont déjà eu un chien ou qui en ont un. Parce qu'il y a. Ça sent le vécu. Oui, ça sent le vécu. Je pensais qu'il y avait. Dans tous les sens du terme. Je pensais que c'était particulier à mon chien qu'il aimait piquer les chaussettes et aller les cacher au fond du jardin. Ah, mais non, du tout. Mais ma pauvre amie. Non. Mais non. C'est apparemment. Enfin, c'est apparemment une particularité des petits chiens. Ils aiment piquer les chaussettes. Bon. Alors, les chats, ça le fait aussi. Ah, ça, je savais pas. Oui, les si. Mon chat ne piquait pas les chaussettes. Si, nous, oui. Mais alors après, il les prend, il les mange. Et donc, je trouve qu'on a toujours beaucoup trop surestimé l'intelligence des chats. Très nettement, très nettement. L'intelligence oui. des chats, en fait, on a très très vite fait le tour. Ça dépend lesquels, j'en connais des très cons aussi. Est-ce que vous avez déjà essayé, par exemple, oui, ce que je voulais dire. Il y a un test à faire hein, là, avec les chats, c'est quand ils ont des crasses dans les oreilles, on leur nettoie les oreilles au coton-tige, on enfonce le coton-tige d'un bon 5 cm dans la tête du chat qui fait 10 cm de large. Donc 5 cm de chaque côté, ça vous laisse imaginer ce qui reste au milieu pour le cerveau. Donc voilà. Ici c'était un peu ça aussi pour le chien de ce brave Steve-O. Je dois dire que le mien aussi parfois. Mais, bon. Et, mais est-ce que c'est voilà. quand même est-ce que c'est quand c'est... même bien parce que oui, quand des, je t'écoute, des, moi il y a des gars dis, qui est-ce que c'est autre ça, chose qu'une oui. espèce de blog nombriliste qui dit oh regardez comme mon chien. Oui. Parce que présenté comme ça, ça risque d'être lourd. Hein. Ça n'est pas du tout nombriliste. Est-ce que c'est lourd? C'est plus, mais on se reconnaît dans pas mal de gags. Il y a des trucs où vraiment le chien qui pète quand il faut pas ou quand vous partez en vacances avec le chien qui passe son temps à larguer des caisses à l'arrière. Bon, ça, y a c'est le genre de gag où tout le monde va se reconnaître. Si vous avez un chien, forcément. Mais pas du tout. Voilà. C'est, je ne vois pas du on, tout. On ce a que l'impression. Tu veux dire. On croirait que les chiens sont tous différents, mais en fait, non. Ils sont tous pareils. Mais il y a des petits trucs. La même chose avec les enfants, je crois, non ? Oui, il y a des gags qu'on pourrait vraiment appliquer. Il y a des gags qu'on pourrait vraiment appliquer, je trouve, à des enfants. Le coup du celui-là, par exemple. Non, mais comment t'es trop mignonne, Madeleine. Donc il la tient en main. Ah, c'est une fille. Oui, c'est une petite chienne. Ah. Puisque le titre de la BD, c'est Chienne de vie. Ah oui, pardon. Ah oui. Il y a que de l'amour sous ses poils et ses grandes oreilles. Et puis on la voit en grand plan, et puis elle fait. Et ah non, autant pour moi, il y a du vomi aussi. Donc, ça peut parfois s'appliquer. Ça a l'air un peu pipi caca, hein, comme ça. Mais c'est un chien aussi. Oui, d'accord, mais bon. C'est pas qu'un chien, c'est quand une BD. Quand tu as un chien, il y a quand même beaucoup de choses qui. Il a, le chien, il a deux côtés. Il a une bouche et oui, l'autre côté, ça. Et souvent. La vérité est entre les deux. Voilà. Mais oui, non, mais. Donc, mais bon, si vous avez un chien, ça vous fera sourire. Moi, il y a des gars qui me font marrer parce qu'il y a des choses aussi, par exemple. Est-ce que c'est tout du pipi caca non, comme ça? Non, pas tout, ou... mais beaucoup quand même. Mais il y en a un qui est assez. Il y a des proutes. Il y en a un qui est assez marrant parce qu'il y a aussi la relation, pas juste le chien, il y a la relation du couple avec le chien. Comme la relation, la différence entre l'homme et la femme par rapport au chien. Il y a, par exemple, comment ils ont eu leur chien, vois-tu ? Parce qu'au départ, ils ne voulaient pas de chien, l'homme. Mais un jour, le couple discute sur le canapé et la femme fait « Oh tiens, et si on adoptait un chien ?» Et le mari fait « Non. » Ou alors un chat ? Ou un furet ? Ou « Non, je sais, un écureuil. » Ou un lémurien, peut-être. « Oh ouais, j'ai vu un reportage sur les lémuriens, c'est trop choupinou. Oh, s'il te plaît, je veux un lémurien. » Et l'autre « Non. » Ou alors on pourrait faire un bébé. Bon, ok, on prend un chien. D'accord. Ben ça c'est un peu le vécu. Oui. Donc c'est pas franchement, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre. En même temps, moi les personnages qui disent c'est trop choupinou, je c'est m'en méfie. C'est une fille hein. Aussi hein. Ben même. Et elle a un Mac. Bah ça n'excuse pas tout. Ça n'excuse donc, pas tout. Donc c'est pas non, ça va pas révolutionner la BD, ça va pas révolutionner évidemment l'histoire canine. Oui. Si vous êtes clairement caninophobe, c'est passez votre chemin, parce que si vous aimez, vous êtes contre les chiens, les chats, les animaux, vous les préférez en hamburger ou en shish kebab. Oh, moi, je mange assez rarement des chiens en hamburger, je devais l'avouer. Mais c'est parce que tu ne vas pas souvent en Chine. Tu ne sais pas, en fait. Tu ne vas pas assez souvent en Chine. Oui, c'est ça. Donc, mais si par contre, vous avez un chien, que vous aimez les animaux et que vous aimez les petites bêtes mignonnes, il y a des gars qui font quand même rire. Donc, c'est le premier tome aussi. Moi, je dis qu'il faut peut-être attendre, voir le deuxième. Mais bon, c'est pas mauvais. C'est pas excellent, ouais. Mais voilà, vous avez une heure à c'est tuer, vous avez envie de vous détendre, ouais. Vous aimez les chiens, vous aimez les petites bêtes un peu mignonnes à base de d'yeux globuleux et de grandes oreilles, ben pourquoi c'est, pas. C'est pas mauvais, mais enfin présenté comme ça, sans vouloir faire de jeu de mots, je dirais que c'est quand même un peu suspect. Bref, merci donc suspect. Oui, bah c'est ça, c'était pour la blague. C'est pas mauvais, mais c'est sympathique. D'accord. On va enchaîner parce moi, j'aime que bien les chiens, on va donc j'ai sinon on n'aura pas le temps de passer des morceaux et tout non. Ça. J'enchaîne vite Bruno comme ça je te promets oui. Je te laisse le crachoir. Oh. J'avais dit que mais oui, je voulais vous parler de 42 agents intergalactiques et vous dire pourquoi pour moi Soleil Production a tout compris. 42 agents c'est quoi ? C'est une spin-off d'une série. Déjà, on voit beaucoup ça chez Soleil, on voit pas très très souvent quand même ça, un peu chez Delcourt avec Sillage. Aussi chez Delcourt, oui, mais puis avec le truc Carmen McCallum et tout ça, si, dans, oui. dans leur collection série B, Néopolis, il y a pas mal de spin-off. Carmen McCallum, je ne connais pas trop, donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a le champ d'estrige, aussi, le champ d'estrige aussi, des choses comme ça, effectivement. Delcourt, ils sont assez forts, ouais. Ben, ne serait-ce que Sillage. Mais... N'empêche que c'est Soleil qui a inventé le truc, hein, parce qu'avec L'Enfeuste, ils ont trouvé le filon. Et la série Donjon aussi. Et c'est vrai que la série Donjon avait tout inventé, mais enfin les gens de l'association quand même. Bref, donc 42 agents, une spin-off de Tessa. Alors Tessa, je vais vous lire le pitch sur le site de Soleil, vous allez tous comprendre. Tessa est une lycéenne pétillante de 16 ans qui a des amis, une famille, tout ça, et elle est gentille, elle est jolie, elle est mignonne, tout lui réussit. Jusqu'au mais jour. Une nuit, avant de s'endormir, elle vient de s'endormir, pardon, et paf, un extraterrestre se matérialise devant elle et lui demande de venir avec elle parce que sa présence est requise auprès des plus hautes autorités de la galaxie parce qu'elle doit devenir un agent intergalactique. Et hop, elle part et elle vit des aventures formidables. C'est Anna Montana dans l'espace. C'est ça, grosso modo, c'est ça. Alors, pourquoi est-ce que ça finit quand même par marcher ? Ben, parce que Tessa, effectivement, elle est mignonne, elle est sympa, elle est rigolote, et puis elle est super forte, et puis c'est bien dessiné parce que c'est Louis qui s'y colle. Les scénarios tiennent grosso modo la route, c'est Mitrick qui s'y colle. Et bon, voilà, grosso modo, on a une BD qui est pleine d'entrain, pleine de vie, qui casse pas trois pattes à un canard. Ça se fout absolument, vraiment, rien d'intéressant là-dedans. On parlait d'originalité avec Black Sad, mais hops, on est dedans. Et avec le mouvement, eh ben, ça passe. Et puis, on a... Mais alors, là, spin-off. Tu nous parles de la série originelle. Oui, oui, tout à fait. Mais ce qu'il y a, c'est que 42 agents, c'est quoi? Eh bien, grosso modo, Tessa devient un agent intergalactique. Alors, il y a toute une mythologie de l'univers. Les agents intergalactiques, c'est des espèces de super-héros galactiques de l'espace qui sont là pour faire régner la loi et l'ordre et machin. C'est pas vraiment des Batman, hein, c'est pas des vengeurs masqués. C'est plutôt les gendarmes de l'espace, mais des super gendarmes. Genre qu'un tout seul, il pacifie une planète qu'on n'a rien vu. Et donc, en fait, Tessa est le 42e agent intergalactique depuis des milliers d'années. Donc il n'y en a pas eu beaucoup. Et en fait, l'idée, qui n'est pas idiote, de raconter un petit peu le background, donc d'intercaler dans le récit des histoires d'agents intergalactiques dont on parle dans la série principale. Et l'intelligence du truc, c'est qu'il y a dans la série principale, donc pour l'instant, série principale, il y a 5 albums parus sur 6 pour la première saison, mais on annonce déjà une deuxième saison, évidemment. Et il y a des temps morts, en fait. Il y a des moments où elle est prisonnière quelque part, et puis elle discute. Et on fait l'ellipse, évidemment, dans la série principale, parce que sinon, le récit s'épuise, le rythme s'épuise. Et par contre, en fait, ces albums-ci, 42 agents, viennent s'intercaler à ce moment-là. Et on est censé lire la série, et puis, bah, s'il y a une pause dans la série, on reprend cet album-là, on fait « Ah oui, au milieu de l'album, il y avait machin. » Et il y a l'histoire de l'agent en question. Ce qui n'est, a priori, pas une mauvaise idée. Et là où je dis que Soleil a tout compris, parce que, grosso modo, sur ceci, vous avez bien compris, c'est pas du génie. C'est agréable à lire, le dessin est fort flatteur, c'est du Soleil. Il y a des chiens qui pètent ? Il n'y a pas un seul chien qui pète. Et tu vois, ils n'ont pas tout à fait tout compris, je pense. Ah non, ces extraterrestres, il reste quelque chose. Il leur manque un truc ou l'autre. C'est juste, il n'y a pas de chien qui pète. Par contre, il y a des enfants qui se battent en faisant des trous dans la tête avec des gros flingues et tout ça. Oui, non, c'est très, très bien. Et donc, tiens, je me rends compte qu'il a les yeux de Vin Diesel dans Pitch Black. C'est peut-être un machin, là. Comment il s'appelle? Je sais plus. Oh, ça fait longtemps. C'est une bonne question. Comment s'appelle-t-il encore? Oui. Les Licans, non, les Cheyenne, je ne sais plus. Bref. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont tout compris, Soleil? Puisque, finalement, ça cartonne. Tessa, ils en vendent beaucoup. Ils lancent une spin-off. Ils vont peut-être faire d'autres albums, etc. Il y a des objets dérivés. Et pourtant, c'est pas follement original et tout ça. Et ben, en fait, Soleil, ils ont une approche pragmatique de la bande dessinée. Et c'est peut-être à l'opposé complet de ce qu'on peut voir avec des gens comme l'association ou d'autres, ou les petites maisons d'édition, ou les rêveurs, ou les requins marteaux, ou des gens comme ça qui essayent d'aller un peu hors des sentiers battus, faire de la BD un peu underground. Eh ben, Soleil, en fait, sans scrupule, ils se sont dit non, en fait, la BD, c'est un art, d'accord, mais c'est aussi un commerce, et on va avoir une approche pragmatique, et on va donner leur chance à plein de gens. Parce que ce qui est extraordinaire chez Soleil, c'est le nombre de nouvelles séries. On ne se rend pas compte, mais en fait, il y a des dizaines de nouvelles séries qui sont lancées chaque année par Soleil. Et alors, bon, des dizaines, ça veut dire qu'il y en a peut-être une qui marche. Et quand il y a une qui marche, eh ben, on met les moyens derrière. Alors, ça a quelque chose de très populiste finalement, parce que c'est le succès public qui va faire que ça marche ou que ça ne marche pas, mais ça a quand même un gros avantage finalement, c'est qu'ils donnent leur chance à des gens. Il y a plein de gens qui ont commencé chez Soleil, et puis ça n'a pas forcément marché, mais c'est pas pour ça qu'on leur a fermé la porte et ils ont fait une autre série, et puis une autre, etc. C'est le cas de Louis, c'est le cas de Mitrick, et c'est le cas d'autres gens qui maintenant ont une vraie carrière. Alors, c'est peut-être au détriment de la qualité, mais je trouve que, voilà, Soleil, c'est une maison d'édition qui... Ah zut, j'ai perdu ma page Wikipédia avec, avec le machin. Soleil, c'est une maison d'édition qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant et qui fonctionne et qui, je pense, repose sur un modèle économique qui est viable et qui n'a pas que des défauts. Je suis d'accord qu'il y a peut-être un truc qui n'est pas très net du côté artistique, mais je pense que donner leur chance avec des vrais moyens, avec des vrais albums, avec des 60 planches cartonnées, vraiment lancées, distribuées, tout ce qu'on veut, à plein de jeunes auteurs chaque année, eh ben, en ça, ils sont plutôt honorables. Et la preuve que ce ne sont pas juste des vils commerçants sans scrupules et tout ce qu'on veut, c'est que quand même, l'air de rien, je vais reprendre. Mais pourquoi s'il ne veut pas? Oh ben voilà, il ne veut plus m'afficher ma page de Wikipédia. Mais donc le patron dont le nom m'échappe de Soleil, il a aussi, par exemple, sauvé le label Futuropolis. C'est lui qui a racheté Futuropolis. Tu penses que c'est par amour de l'art? Je sais pas si c'est par amour de l'art. Est-ce que ce ne serait pas par justement cet aspect pragmatique dans sa vision des choses de se dire La BD d'auteur, maintenant, c'est devenu un créneau porteur aussi. Mais absolument, mais sans machiavélisme. Je pense que ce type, c'est un homme d'affaires. Ah oui, il ne s'en cache pas, il le dit, c'est pas un artiste. Mais en même temps, quand on regarde la ligne éditoriale de Futuropolis depuis le rachat, eh ben, c'est riche. Mmh. Et là aussi, effectivement, il y a un souci de rentabilité. Effectivement, c'est pas un mécène, c'est pas un gars qui a juste décidé de faire de la BD pour la beauté de l'art. Mais c'est quelqu'un qui trouve un créneau commercial, s'y investit et s'y investit à fond et le fait bien. Et clairement, il ne va pas transformer Futuropolis. On a eu peur au début qu'il transforme Futuropolis en Soleil 2. Et c'est pas du tout le cas. Alors, oui, effectivement, il fera peut-être des choix un peu moins risqués que ce que Futuro aurait fait du temps de sa splendeur. Mais il fait quand même des choix qui sont relativement risqués, qui sont dans des créneaux pointus, qui sont de la BD de qualité plus artistique. Donc moi, je pense que ce gars, il a tout compris finalement. Voilà. Et donc, j'arrête de dire du mal de Soleil, c'est promis. Le gros reproche qu'on peut le faire, mais c'est pas très original, c'est que avec d'autres, hein, il faut surtout pas les accabler, je pense qu'ils sont pas les seuls, et j'imagine qu'ils ne sont pas les premiers, j'avoue que je n'ai pas creusé plus que ça la question, mais c'est que, comme tu le disais, ils participent de cette espèce de mouvement qui est voué à s'écrouler et à ne plus durer encore des années, de surproduction complètement insensée et hallucinante de la bande dessinée qui fait qu'on... Mourad Boudjelal. Voilà, on est assailli de nouveautés parce qu'effectivement, il y a plein de séries qui sortent. Le but, c'est d'envahir les rayons et de vendre le plus rapidement possible, la plus grosse quantité possible. Avec pour conséquence que chaque série se vend moins, forcément, ben parce oui. que c'est la surproduction. Et c'est un modèle économique qui relève un petit peu de la fuite en avant. Ça réussit à Soleil, mais est-ce que ça marchera tout le temps? Avec aussi comme conséquence, concrètement, plus néfaste pour le lecteur. J'avoue que je ne connais pas suffisamment Soleil pour affirmer que ce soit le cas systématiquement. Beaucoup d'éditeurs font ça aussi. C'est que forcément, quand on lance plein de séries et qu'elles ne marchent pas toutes, ceux qui ont suivi la série, si elles s'arrêtent, ils sont très frustrés. Donc ça fait qu'on se retrouve probablement avec beaucoup de séries avortées. Alors ce qui est un peu un manque de respect pour le lecteur quand même, où on annonce une saga, où on annonce des albums, alors là, et puis ça s'arrête. Alors là par contre, je ne suis pas d'accord parce que le principe de Soleil, ils n'ont rien inventé. Sur la diffusion en grande surface, oui, sur le sommet de l'édition, c'est les romans qui ont tout inventé, et c'est les maisons d'édition qui sont coupables sur l'édition classique non BD, parce que les maisons d'édition ont un jour décidé qu'ils voulaient vendre plus et ont trouvé que ce serait une bonne idée de vendre en grande surface. Les grandes surfaces étaient évidemment preneuses et donc on a érigé en système absolu le système des best-sellers, des librairies indépendantes, des éditeurs indépendants en littérature classique. Ça devient extrêmement rare. Sauf qu'en France, évidemment, il y a le prix unique du livre qui régule la donne. Oui, tout à fait. Mais il n'empêche que malgré le prix unique du livre, les libraires ont bien du mal, même en France, et que la diffusion se fait de manière massive, et que le prix unique du livre, c'est bien joli, mais une librairie ne peut pas avoir des stocks et des rayonnages suffisants que pour absorber cette espèce de surproduction toujours en augmentation exponentielle. Donc, il y a ça. D'une part, Soleil n'a rien inventé, ils ont investi un système, et d'autre part, encore une fois, pour moi, c'est une approche qui est pragmatique. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ben, nous, on a décidé qu'on n'allait pas essayer de changer le monde, on va juste essayer de tirer notre épingle du jeu. Je suis bien d'accord, je suis pas pour ce système. Hein. Ah oui, mais non, je dis simplement, je les accable pas outre mesure, je dis ils sont symptomatiques cette tendance dans le monde de l'édition. Mais alors, pour les séries avortées, là, par contre, je suis pas d'accord, parce que les séries avortées de Soleil, elles comportent un album systématiquement. Après le premier, ça marche ou ça marche pas. Et si ça marche après le premier, Soleil va soutenir sa série. Je crois qu'il doit y avoir un ou deux exemples dans tout le catalogue de séries qui étaient prévues sur 6 tomes puis qui en ont fait 2. En général, si ça ne marche pas après le premier, ben c'est claque, on arrête. Voilà, vous avez eu l'épisode pilote, puis c'est tout. Donc là aussi, je pense que tout en étant des vilains capitalistes qui veulent gagner de l'argent, tout ça, il y a quand même malgré tout une certaine honnêteté, quoi, intellectuelle sur le truc. Donc voilà. Non, je te dis, j'arrête de dire du mal de Soleil parce que. Voilà. J'avais dit que je ne ferais pas plus que 10 minutes, j'ai fait 11 minutes. Donc maintenant, ça, je te cède la parole pour la dernière ligne droite BD. Piou ! Ah oui ! Parce que sinon, après, on n'aura pas les pistes sonores. On avait dit qu'on ferait les pistes sonores. Oui, c'est vrai. Mais oui. Alors, Salve Dupuis, hein, puisqu'il y a, vous l'aurez compris, beaucoup de sorties aussi de ce côté-là. Donc, n'accablons pas Soleil, même les grands éditeurs établis, tout le monde le fait, ne sont plus aussi indépendants qu'ils le voudraient ou qu'on le voudrait, s'y mettent aussi. Donc Omnivisibilis... Depuis, ça fait longtemps. Hein. Oui, ça fait un moment. Omnivisibilis de Mathieu Bonhomme et Lewis Trondheim. On annonce ça, à juste titre, comme la première incursion de Lewis Trondheim dans la BD réaliste. À vrai dire, c'est pas tout à fait vrai, puisque finalement, Lewis Trondheim, il faisait de la BD animalière. Quoi, Donjon, c'était pas réaliste? On ne sait pas. Oui, c'est vrai. De quelle réalité? C'est conforme à une certaine réalité, mais par exemple, les Lapineaux ou les choses plus autobiographiques comme qu'il a faites, comme Les Petits Riens ou Approximativement, finalement, on sent bien qu'il y a une matière autobiographique, je n'irai pas jusqu'à dire ancrée dans le réel, mais on sent que ça, et c'est ce qui fait l'immense qualité d'une œuvre comme Lapineaux, que ça a des résonances dans le vécu de chacun et que ça nous parle parce qu'il y a une justesse psychologique et sociale qui font que ça boîte de la BD animalière, ça boîte de la comédie, sont des espèces de fables morales qui touchent à une certaine réalité. Mais c'est ça le génie de Trondheim, c'est de faire des trucs rigolos, mais en lien avec... Regarde, Ordinateur mon ami et tout ça, donc les formidables aventures sans Lapineau, qui sont des trucs de geek, des gags, des trucs... voilà, mais c'est... Ça passe dans des journaux, ça passait dans SVM et dans SVM Mac, et ce sont des trucs qui parlent très très fort à la réalité des gens qui vivent ça, sur le ton anecdotique. Mais ce qui est génial justement, c'est que c'est des anecdotes, mais de la vie de tous les jours. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il a fait Les Petits Riens, Lewis Trondheim. Il y a vraiment ce côté, les petites choses de la vie, avec un regard humoristique, amusé, mais voilà, on sent l'amertume, enfin, la mélancolie, l'angoisse, les névroses derrière. Ah oui. Et Omnivisibilis, pour ça, est une œuvre profondément fidèle à l'esprit et à la patte de Lewis Trondheim. Et donc, c'est l'histoire de Hervé qui travaille dans l'édition. On voit... il doit être graphiste ou informaticien dans une boîte d'édition qui fait de la BD, hein, où on voit la pancarte, où on voit du puits d'argot, tout ça. Il a peut-être la bonne trentaine, il a physique moyen, il a une copine qui a l'air un peu de jouer un peu avec ses pieds. Donc voilà, quotidien banal. Jusqu'au jour où, quand il se réveille un matin dans le métro, les gens le regardent bizarrement et tout le monde n'arrête pas de l'interpeller, de dire « Mais je vous connais, vous prenez 4 sucres dans votre thé et ce matin vous vous êtes cogné en vous lavant, vous êtes brûlé en vous servant du café. » Et rapidement, on va s'apercevoir, comme son titre l'indique, Omnivisibilis, que contrairement au postulat habituel ou du télépathe, de la personne qui sait lire dans les pensées. Ah, du télépathe, je déformé par l'iPad, je pensais télépathe, je me dis où là. mon Dieu. Et donc, contrairement à ce postulat habituel ici, ce n'est pas lui qui voit les pensées ou qui voit ce que les autres voient, c'est le monde entier qui voit ce que lui voit. Et comment dire, ça va créer forcément quelques petits bouleversements au niveau de son vécu. Et voilà, il va se retrouver l'objet de toutes les convoitises. Tout le monde va commencer à lui courir après parce qu'il y a une espèce de fascination à voir ce que les autres voient d'une certaine manière, à vivre ce que lui vit, à voir ce que lui voit. Une espèce de voyeurisme, de vie par procuration. Donc tout le monde va vouloir se l'arracher, littéralement. Donc on va le poursuivre dans la rue, et puis les États vont aussi vouloir se l'arracher, parce que si on imagine le potentiel comme une espèce d'arme de guerre ou de valeur stratégique qu'il pourrait avoir. Donc une espèce de course-poursuite qui s'ensuit, donc on se demande bien comment il va pouvoir s'en sortir. Alors ce qui est amusant, c'est qu'on est effectivement dans une BD qui a toutes les apparences, qui utilise tous les codes du roman graphique. Le format d'abord, un petit format, la pagination aussi, on est dans quelque chose qui fait la couleur, 160 pages. On est dans quelque chose qui est de la bichromie effectivement, donc c'est du bleu et blanc. On est dans un graphisme qui est de Mathieu Bonhomme donc, qui est une espèce de graphisme international, on pourrait dire. Comme il y a l'architecture internationale, il y a qui doit autant à la BD franco-belge qu'à la BD américaine, voire même qu'au manga. Ça pourrait être presque du Taniguchi ou de l'Otomo dans certaines expressions de personnages, dans certains visages. Donc, c'est très très bien fait techniquement, mais c'est une espèce d'absence d'identité graphique qui est quand même contrebalancée par un parti pris assez appuyé. Hein, donc, cette espèce de bleu et blanc qui se tiendra tout au long de l'album. Et donc, roman graphique traditionnel, donc, avec le pelliculage mat qui, comme le remarquait de manière très amusante récemment un éditorialiste sur le site duneuf.org, très, très chouette site de réflexion sur la BD, que voilà, ce qui fait la différence comme stratégie marketing chez les éditeurs maintenant, c'est que les BD mainstream, pelliculage glacé, vernis, oui. Et les BD d'auteur, pelliculage mat. C'est vrai. Sauf qu'on va sûrement en revenir parce que à l'usage, le pelliculage mat est beaucoup plus fragile, donc oui. Ça s'abîme beaucoup plus rapidement et donc ils ont beaucoup trop de retours. Ils vont vite en revenir et puis dos rond, donc oui, la tranche ronde, à la fois très très nostalgique. Collier cousu. Oui, très nostalgique, mais en même temps très très connoté arty. Papier évidemment, lui aussi mat. Dans papier non couché, papier offset. Voilà. C'est important. Il faut le dire. Oui. Et donc, dans la bibliographie qui est en fait volume des auteurs, ce qui est amusant de constater, c'est que de Lewis Trondheim en format roman graphique. Donc, en fait, le roman graphique, c'est un format. Oui, c'est ça. C'est devenu une étiquette, ce qui, il faut bien le dire, a toujours été. Hein. Donc, roman graphique, c'est une espèce d'appropriation francophone du graphic novel anglo-saxon qui a beaucoup plus de sens dans le monde éditorial anglo-saxon, où les comics sont quand même avant tout une industrie beaucoup plus que chez nous. Et donc le roman graphique, dans la tête des éditeurs, c'est un format, c'est une BD d'auteur, on peut imaginer, ça peut être en couleur, en noir et blanc, court, long, grand, petit. Mais non, dans leur tête, c'est une petite BD épaisse, pelliculée et mat. Et donc, Lewis Trondheim, en format roman graphique, on a la liste de ces trucs en roman graphique. Et puis, il y a même de Lewis Trondheim hors format roman graphique. Oula. Donc, la norme maintenant devient le roman graphique. Avant, on disait hors collection dans les trucs qui ne ressemblaient pas du 48cc. Là, maintenant, c'est l'inverse. Donc, c'est presque... C'est parodique, c'est symptomatique vraiment d'une stratégie éditoriale, mais il n'empêche que ce roman, c'est à la fois quelque chose de complètement nouveau pour Trondheim, parce que effectivement on est dans des personnages réalistes, pas grognés, mais en même temps c'est du pur Trondheim. On est vraiment dans l'humour doux amer, on est vraiment, ça pourrait être une aventure de Lapineau, sincèrement, c'est l'irruption du fantastique, d'un truc irrationnel dans un univers quotidien avec des personnages qui voilà, qui vivent leur vie de tous les jours, c'est vraiment l'argument de base d'à peu près tous les Lapineau, en tout cas ceux qui se passent dans la réalité urbaine. Oh ben, c'est quelque part même les carottes de Patagonie, finalement, c'est ça. Hein. Oui, d'une certaine manière. Et on retrouve aussi toutes les thèmes et toutes les obsessions de Trondheim. Il y a la peur des germes, l'obsession de la propreté, les questions par rapport à la vie privée, l'intimité, le voyeurisme. C'est du pur Trondheim et on sent qu'il s'est vraiment bien amusé à faire ce roman graphique qui n'a pas du tout, je pense, la prétention d'être quelque chose de le poser comme un auteur. Je crois qu'il n'a vraiment plus besoin de ça. C'est simplement un récit en long cours où il exploite une idée de départ qu'il a trouvée amusante. Je pense que ça part d'une anecdote ou d'un défi qu'on l'a lancé à Angoulême. Il s'est dit « Ah tiens parce que, d'une certaine manière, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au lieu de nous servir une espèce d'histoire un peu nombriliste sur « Oh, c'est dur, la vie de star de la BD, tout le monde veut toujours nous parler, tout le monde veut tout savoir de nous, parce qu'en plus, il fait des blogs où il raconte un peu sa vie et tout », il transforme peut-être ces angoisses-là, ces interrogations-là, ces questions-là, de manière métaphorique, dans ce bouquin-là. C'est du fantastique au sens le plus classique du terme. Hein. Donc c'est les angoisses sous un angle métaphorique. Et donc, moi je trouve que c'est peut-être pas du grand, grand Trondheim, mais en tout cas c'est, voilà, c'est un bon petit cru, très sympa, en plus servi par le graphisme très très efficace de Mathieu Bonhomme. Parfait. Mathieu Bonhomme qui avait fait des choses avec Fabien Velman notamment, le Marquis d'Anaon, il a fait aussi Messire Guillaume avec Gwen de Bonneval et il a fait Esteban Également, tout ça, une bonne partie de ces choses-là chez Dargo ou Dupuis. Oui. Bah, c'est la même chose maintenant. Ouais, à peu près. Fort bien, ma foi. Et on termine sur le Spirou, hein, tant qu'on y est. Allez, dernière ligne droite. Le retour de Spirou, la série principale, après la parenthèse Morvan et Munuera, qui a fait long feu. Hein. Bah oui, qui a duré quoi ? Trois albums ? Quatre albums ? Quatre albums. Cinq albums. Cinq, ah quand même. Cinq albums. Mais ils n'ont pas eu de chance. L'équipe qui avait éditoriale qui les avait nommés, qui les avait choisis, s'est fait virer très rapidement quand il y a eu le changement de propriétaire et tout ça chez Dupuis. Donc, ils n'ont jamais vraiment été soutenus par leur éditeur. Ils ont été erratés par la plupart des critiques et des lecteurs. C'était une volonté de rendre actuel Spirou, de rendre lisible par un jeune public qui avait de références plus contemporaines, jeux vidéo, manga, tout ça. Donc, un graphisme beaucoup plus... qui lorgnait plus vers des choses plus contemporaine, comme par exemple Sillage, puisque Munuera, c'est lui qui fait les Navis. Ça n'a pas été trop concluant, au contraire de la série dérivée de Spirou, les spin-offs, les one-shots, les fameux Une aventure de Spirou et Fantasio part. C'est dommage finalement, parce que quelque part ils ont un peu pâti. Déjà ça allait mal pour eux, mais ils ont pâti du succès de ça. Hein. C'est vraiment, je pense que ça les a complètement desservis. C'est dommage parce que c'était une bonne idée, et en plus Dupuis a déjà fait ça avec Mick McAdam notamment, qui avait changé de graphisme à un moment donné, dans les années 80-90, qui était devenu beaucoup plus réaliste. C'est un peu triste que ça n'ait pas marché. Et d'autant plus que ça visait pas du tout le même public. Je pense que les aventures de Spirou, ça reste une BD familiale pour les enfants et les adolescents, alors que les one-shot, c'était quelque chose de plus artistique, de plus référentiel, plus adulte. Donc ça visait pas du tout les mêmes publics, donc forcément il fallait pas attendre la même chose. Et Johan Evelman, qui avait fait Les Géants Pétrifiés, le premier spin-off, avait été contacté par Dupuis pour faire le Spirou et Fantasio, série principale, je pense même avant Morvan et Munuera, mais ils ont réfléchi longtemps et finalement ça ne s'était pas fait. Et donc voilà, on leur a reproposé à nouveau de reprendre, et bon là du coup ils se sont dit on peut pas passer à côté, surtout que l'expérience qu'ils avaient eu avec le one shot s'était très très bien passé à tout point de vue. Donc ici clairement il y a un recentrage vers le passé, le patrimoine de la BD. On est dans quelque chose de graphiquement beaucoup plus classique que Morvan et Munuera, même si on est dans quelque chose quand même qui est complètement... on est dans une espèce de revisitation du classicisme de Franca de la grande époque, avec un graphisme quand même qui est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus contemporain, même si c'est moins aventureux que Les Géants Pétrifiés. Je pense qu'ils ont un peu arrondi les angles pour la série, qui reste quand même quelque chose qui doit être lisible et acceptable par tous les publics. Mais il y a une revisitation intéressante, un jeu avec les codes. Par exemple, Spirou retrouve son habit de groom, mais c'est parce qu'il est obligé par contrat, pour faire la promo des BD de Spirou, de porter son habit de groom. Et ça le fait profondément chier. Et d'ailleurs, au début, ils reviennent d'une promo dans la camionnette lycée Spirou, avec un gros Spirou gonflable sur le toit. Et puis, ils passent par Champignac, qui est assiégé par l'armée, et où il y a des créatures mutantes, la végétation mutante. Et ils essayent de pénétrer dans cette espèce de jungle post-apocalyptique pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et forcément... Champignac et Zoroglub sont derrière tout ça, et donc on a droit à des aventures exotiques, même si champignacennes, très très amusantes, et on a droit à des délires graphiques à base de dinosaures, de plantes et de créatures mutantes, le tout avec forcément Zoroglub plus démoniaque que jamais, Champignac plus inventif et... plus champignacien que jamais. Et voilà, et lunaire que jamais. Et donc, c'est vraiment très très fun. Ça va à toute beurzague. Ça s'appelle donc Alerte aux Orcons. Orcons comme un con. Les Orcons, c'est des créatures qui sont adaptées très très vite aux mutations qui ont atteint le village de Champignac. Et donc, ils n'ont plus de cerveau. Et du coup, ils sont très efficaces. Très très bêtes, mais très efficaces. Ah oui, d'accord. Et donc, voilà, on a droit au retour de Zorglub. Et la fin de l'album, d'ailleurs, promet une aventure probablement du côté de la Lune. Donc ça risque d'être assez grandiose. Et franchement, c'est... on sent qu'ils posent univers, qu'ils cherchent leur marque, et que voilà, il y a sûrement quelques petites adaptations au niveau de l'histoire, notamment, qui est, à mon avis, peut être un petit peu plus nourri, mais graphiquement, c'est très chouette. Johan a dit que ce qu'il avait voulu faire, c'était faire du Franquin qui aurait fait du Spirou, mais après avoir fait les idées noires. Donc, par exemple, dans son graphisme, il y a beaucoup de hachures pour un peu salir et obscurcir cet univers de Spirou. Mais bon, tout ça reste quand même lisible par le grand public. Et, c'est le contrat. C'est vraiment très très chouette, c'est vraiment très très honorable, très très malin, en même temps très honnête. On sent qu'il y a un respect profond et en même temps une jubilation incroyable à revisiter cet univers. Et je pense que c'est effectivement une proposition beaucoup plus acceptable par les lecteurs, parfois un peu conservateurs de Spirou, pour qui le manga était juste intolérable. Ça n'allait pas. Donc voilà, il n'empêche, voilà, Velman une fois de plus fait mouche. Fort bien. Alerte aux Orcons, donc, chez Dupuis. Voilà qui va clôturer notre chapitre, notre long chapitre BD. Presque toute l'émission, cette fois. On va faire une petite pause relativement courte avec les Evil Superstars, qui va finalement nous introduire, parce qu'on va parler un peu de cinéma et de pistes sonores. Et donc, c'est... Pourquoi est-ce que Evil Superstars? Ben, simplement parce qu'ils sont sur la bande originale de Anyway the Wind Blows, le film fait par Tom Barman, chanteur de Deus, en 2003. Et donc ça s'appelle Holy Spirit Come Home. Esprit Saint, viens à nous. Je ne sais pas s'il aura envie, mais en tout cas, s'il n'a pas entendu, c'est qu'il a un problème d'audition. C'était donc Evil Superstars sur la bande-son de Anyway the Wind Blows, ce qui nous amène tout naturellement à parler de bande-son de film. Ouais, et Mauro Pawlowski, le chanteur d'Evil Superstar, fait partie de Deus maintenant. Ah, copinage. Tiens, trop facile. Pistonné. Et donc oui, les pistes sonores avec deux nouveautés toutes chaudes qui viennent de débouler dans nos studios. Et je dois bien l'avouer, je me suis pas trop foulé. Donc on va avoir droit à deux grands classiques contemporains, à savoir d'un côté Alexandre Desplat, dont je ne finirai jamais par me lasser, je pense. Et puis Michael Giacchino, qui lui non plus ne parvient pas encore à nous décevoir. Et donc Alexandre Desplat, qui a composé, et on va en écouter un extrait, la BO du dernier Stephen Frears, Tamara Drew, qui est donc l'adaptation d'un roman graphique anglais, pour un morceau qui est très guilleret, très sympa, très sautillant, très très chouette. Et puis après, on va s'écouter Michael Giacchino, qui lui a composé la BO de Let Me In, qui est le remake américain de Let the Right One In, si je ne m'abuse, qui est donc le fameux film suédois de vampires qui était passé au BIF il y a quelques années, qui s'appelait Morse en français, donc remake américain. Donc, en suédois aussi, il s'appelait Morse. Non, c'était Let the Right One In, mais en suédois. Let the Right One In. L'entendis, que j'avance bonus. Verglobloops. Et donc, l'actrice qui jouera la jeune vampire, c'est la gamine qui jouait dans Kick-Ass. Ah ouais, je pense qu'elle va être abonnée au rôle un peu zarbi. Mais la gamine qui jouait dans Kick-Ass, c'est aussi la petite qui faisait... Chloé quelque chose. Qui faisait, non, mais le concours de Miss, la satellite de Miss Sunshine, non, pas du tout, non. Ah non, je confonds. D'accord, bon, ok. Mais il y a quelque chose, effectivement. Et donc, c'est Michael Giacchino qui compose la BO. Alors, je ne l'ai pas encore écouté complètement. Il faut bien avouer que ça rentre très très fort du côté de Lost. Mais le morceau que je vous ai choisi, je pense, est quand même un petit peu, moi, dans les cordes dissonantes et à base de glissando. Et donc, forcément, truc de vampire, c'est un peu sombre. On écoute donc un extrait de Tamara Drew. Nicolas and Tamara. Voilà, et puis après, ce sera Michael Giacchino. On dira ce qu'on veut, mais Michael Giacchino, c'est pas joyeux joyeux tous les jours, hein. Mais non, voilà, d'un côté il fait des Pixar, et puis de l'autre il fait des trucs un peu plus sombres. Effectivement. Bon, on va se quitter avec quelques new news, dont une qui à la fois nous fait plaisir et ne nous fait pas plaisir. Car figurez-vous que les studios, Disney va nous faire le même coup pour Tron Legacy, dont on vous a déjà plusieurs fois parlé dans Pop Culture depuis l'an dernier, parce que quand même, Tron, c'était un monument du cinéma de geek, hein, disons-le comme ça. Faut bien le dire. Faut bien le dire. Et donc, Tron Legacy, attendu pour une sortie fin janvier chez nous, ici dans notre petit royaume, mais je pense que c'est la sortie mondiale hein, de ce film, donc très, très attendu, réalisé par Joseph Kosinski. On a déjà vu plusieurs petits extraits sur le web, on a maintenant la confirmation, on le savait déjà, mais que Daft Punk va va signer la bande originale et ce sera donc la première bande originale entièrement signée par Daft Punk. Ils ont des morceaux qui se sont retrouvés sur des BO, mais là c'est eux qui vont vraiment composer entièrement toute la BO de ce morceau. Et on peut en écouter des bribes sur le site officiel de Tron. On peut effectivement en écouter des bribes et on peut également voir un clip avec les personnages de Daft Punk, parce qu'ils jouent aussi dans le film, ils sont intégrés dans le film. Enfin, il y a tout un truc, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site officiel et puis les sites habituels de vidéos, hein, où vous aurez tous les extraits. Mais la vraie news, alors, comme tu disais, c'est la fameuse initiative de Disney. Mais la vraie news, effectivement, c'est l'initiative de Disney de faire une preview de 23 minutes qui sera disponible dans plusieurs pays, dont la Belgique. Et donc, nous, a priori, on se dit « Waouh !» Parce qu'en plus, c'est gratuit comme avatar. Seulement, pas de chance. Vous ne pourrez pas y aller, et nous non plus, puisque donc, il y a pop culture. Voilà. Nous sommes colère, nous sommes trahison. Monsieur Kignopédi, si tu nous entends, c'est mal. C'est mal. Donc, ce sera le 28 octobre à 19h15. Bon, si vous faites vite... Il y a moyen de nous écouter dans la radio en revenant du Kinépolis. Mais nous, on ne pourra pas y aller parce que ça va être trop juste, ce sera impossible. Donc voilà. Il faut qu'on mange notre pita pour pourrir l'émission. Oui, exactement. Oui, effectivement, oui. Alors, moi, je pense que je vais faire mes chouis la semaine prochaine. Comme ça, ça leur plaira, je pense. Donc, on doit quand même vous dire que le nombre de places est évidemment très limité. Donc, il faut vous inscrire largement à l'avance, le plus vite possible. Allez-y, courez, inscrivez-vous, parce que sinon... ça risque d'être un petit peu short, voilà, et nous on attendra que le film sorte au cinéma avant de vous en parler, mais vraiment on se réjouit. Alors tout à fait autre chose, le 7e tome de Harry Potter va être donc adapté au cinéma comme les 6 précédents, avec le même casting, tout ça, et en fait mais il était prévu en 3D, en deux films, et les deux films étaient, semble-t-il, annoncés en 3D, et toute la promo de la Warner tourne autour du fait que... le film était en 3D et gonflé en 3D. Et donc, maintenant, la Warner vient d'annoncer que, en fait, le premier tome de Harry Potter 7 ne sera pas en 3D. Et curieusement, et ça c'est une bonne nouvelle. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et alors, curieusement, il y avait un article qui est publié dans Variety, donc grand journal de la presse professionnelle cinématographique aux États-Unis, qui disait que finalement c'était plutôt un point positif pour la 3D, et c'était pas pour se moquer d'Harry Potter, je précise, dans le sens suivant, c'est que il y a tellement de films qui se sont pris des bouillons parce qu'ils étaient mal gonflés en 3D. Alors récemment, évidemment, le fameux Choc des Titans, hein, de Louis Leterrier, la critique est totalement unanime sur l'épouvante qualité de la 3D, au moins de la 3D, le reste du film gonflé en Inde, je pense que c'est sérieux, gonflé en Inde en 3 semaines, et vraiment un truc, du mauvais travail quoi, donc de la mauvaise 3D, et comme ça a tellement fait comme pour Tim Burton, pour Piranha 3D, et ça a tellement fait de mauvaise publicité sur la 3D que finalement le fait qu'un studio décide que le gonflage 3D mérite un budget, du temps et qu'on s'y attelle, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que les studios commencent à prendre en compte de manière plus sérieuse le fait de passer un film en 3D. Et visiblement, le calcul qui a été fait par la Warner, c'est de se dire, bon, c'est un blockbuster, c'est clairement un film qu'on doit sortir en 3D. Seulement, le problème, c'est que si la 3D est pourrie, ça va nous attirer plus d'emmerdements que si on le sort en 2D et que les gens sont un peu déçus. On peut pas prendre ce risque-là avec Harry Potter, donc on va le laisser en 2D. Voilà. Parce qu'il n'y a rien à faire, je pense que l'obstacle principal, c'est que faire un bon gonflage en 3D, c'est possible, mais ça coûte très très très cher. Oui, tout à fait, on l'imagine bien, générer de la 3D à partir de la 2D, ce n'est pas tellement facile. Dernière news pour moi, Mad Max 4, Mad Max 4, qui sera réalisé par George Miller. Ça s'appellera Fury Road. Malheureusement, le tournage était prévu pour commencer février 2011. Il est repoussé d'un an. Il commencera en février 2012. Les accords n'ont pas été remis en cause. Pas de justification, si ce n'est que, en fait, il y a un problème. Alors, c'est con, c'est crétin, mais il y a un problème de taux de change. Puisque c'est un film australien, produit et réalisé en Australie, et en fait le dollar australien pour l'instant est très fort sur le marché d'échange, ce qui fait que c'est pas très facile de faire un budget en dollar australien, parce que ça coûte plus de dollars américains. Donc vraisemblablement, il se pourrait que les Américains soient en train de se dire, parce qu'ils mettent des thunes évidemment dedans, il se pourrait qu'ils soient en train de se dire, ouais mais oh là, on va attendre que ça se tasse, hein, parce que sinon nous, aller investir des sous en Australie, c'est pas rentable du tout pour nous pour l'instant. Donc voilà, par contre, Mad Max 4 donc devrait être un diptyque, en animation 3D, réalisé par George Miller, où il y aurait Tom Hardy, qu'on a pu voir dans Inception et Charlize Theron qu'on ne présente plus. Voilà. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Donc voilà, c'était les news de cette semaine. J'essaie de faire court parce que je sais qu'on a encore des musiques à passer. Effectivement. Donc, voilà. Et il est déjà temps de se dire au revoir. Et il est déjà temps de se dire au revoir. Pour une fois, on a tout fait. Ouais. Même si j'en bafouille. Mais donc voilà. C'est l'émotion. On se retrouvera la semaine prochaine, les gens. Oui. Mais oui. Avec toujours le même plaisir et la même émotion. Et on va se quitter. Alors on se quitte avec quoi? Avec la banane. Catherine, une chanson. La banane. Philippe la banane Catherine. De Catherine. Voilà. Extrait de son nouvel album. Ah voilà, c'est pour ça. Parce que moi je ne connaissais pas la banane. Enfin, je vais découvrir c'est ça. C'est le nouveau single. Avec plaisir, comme nos auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Et d'ici là, amusez-vous bien, allez au cinéma, lisez des BD. Et on s'en voudrait de se quitter sans dire un immense merci à notre nouveau partenaire BD, à savoir BDscope, rue de la Casquette, à Liège, qui sont bien sympathiques. Allez y faire un tour de notre part. Voilà. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.